Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo. Bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast. Un petit avant-propos pour vous dire que l'épisode que vous allez écouter est un peu particulier. Il a été enregistré cet été à l'occasion de mon anniversaire. Et tout ceci était un peu un épisode surprise. Je ne savais pas ce qui allait se passer, vous allez très vite comprendre. Mais c'est en ça que cet épisode est un peu spécial. Je vous souhaite une très bonne écoute. Oui, incroyable, l'arrivée de notre troisième invité, Florent Bernard. Bonjour, pour ce podcast un peu spécial, puisque c'est moi, votre l'hôte de ce podcast, Adrien Méniel. Installe-toi. Installe-toi, bien sûr. Tu t'installes devant comme, moi. Fais comme chez toi, finalement. Bonjour. Bonjour. Et voilà, alors... Déjà, je constate que tu as une casquette mid, oui. Alors que moi non, alors que je l'ai réclamée en direct dans le Floodcast. Je l'ai achetée, pour ma défense. C'est fou, t'as tout expliqué aux gens ? Comment ? T'as tout expliqué aux gens ? Expliquer quoi ? Je viens d'arriver. Ah non, okay. Aux auditeurs. Alors c'est moi qui anime par contre. Très bien, pardon. Non, il faut que j'explique effectivement aux gens. Alors après, c'est toi qui décideras si on le publie ou pas. Oui, oui, voilà, c'est un Floodcast surprise pour les 30 ans oui. De Florent qui est donc invité aujourd'hui. Bien sûr. Et c'est moi qui anime tout bonnement. Incroyable, alors, j'adore. On peut déjà. Ouais, mais ça va être ça pendant 2 heures. Peut-être moins, parce que j'ai pas eu le temps de préparer autant de trucs. Déjà, est-ce qu'on peut déjà applaudir Clara qui a tout organisé ? Ouais. Oui, et alors vraiment, c'était. Je ne pouvais pas le deviner. Parce que, très bien joué. On se disait que peut-être tu te doutais d'un truc, mais que tu t'attendais à un truc mieux. Pas du tout. Ouais, juste nous, est-ce que tu t'es dit il va y avoir tous mes potes et demain la pote et non. Pas du tout, non, je suis là, ravi. Je suis Axel ravi, non. Non, c'est oui, super. Bon. Non. Mais alors non. Et qu'est-ce que t'as fait Clara pour l'occuper là dehors et on veut pas savoir. Elle m'a fait des trucs de ouf, on est allé voir Kaamelott et on a mangé un Five Guys. Oh. Comme oh des oufs, comme des maboules. Jusqu'à 19h. Ouais, on allait voir le film 4 fois. Okay. En parlant de Five Guys, nous devions être Five Guys autour de cette table, oui normalement. Oh là là là là. Puisque Jérôme Niel devait être là. Oh là là, et qu'est-ce qu'il a raté ? Il est retenu sur un tournage. Mm-hmm. Grotesque, on peut le dire. On va le dire pour le descendre un peu, c'est une OP avec Skoda. Voilà. Clara s'en va ? Elle revient. Mais tu vas où, on peut savoir ? Elle va acheter du shit, non ? D'accord, ah, oui, bon, verre, elle va ramener des surprises, c'est ouais, ça. Mais on ne sait pas, et puis arrête de poser des questions. Non, sois pas, tu vas être déçu, il n'y a rien. Alors. Non, Clara a très bien géré, parce que, effectivement, nous sommes le milieu de l'été, et souvent, mais il y a peu de gens de dispo, et donc du coup... Comme là, tu peux voir, c'est le cas. C'est le cas aussi aujourd'hui. Non, mais donc du coup, c'est ouf, c'est, je suis trop content, c'est génial. Mais moi, j'ai une question, est-ce que tu as envie, là... Dans l'absolu, de faire un footcast ou. Ah, mais ou si, pas, si, c'est cool, non, je suis très content. Si, si, puis là, il a les clés de la baraque, là. Moi, je suis peinard, des pieds en éventail. Alors. Déjà, je vais présenter le reste des invités parce que je ne l'ai pas fait encore hein, okay. Dans tout le truc. Donc, nous sommes. Alors. Oh, j'étais dans le micro. Bon, je vais pas. J'ai pas eu le temps de préparer. J'ai pas non, eu le temps. Non, donc, il prend tout premier degré, malgré la chaleur. il est l'instigateur du moment Free Britney. C'est Léopold Le Marchand. C'est une blague visuelle. J'ai un t-shirt Britney Spears. Oui, voilà. Mais je précise. C'était juste une blague absurde. Les gens auraient dit oh là là, il est farfelu. Okay. Mais effectivement, tu c'est as. C'est vrai que les gens pensent ça de toi. D'ailleurs. Les gens m'arrêtent dans la rue pour me dire t'es farfelu, j'adore. Sans vouloir carjacker cette émission, on est quand même tombé avec Clara sur 3 auditeurs du Floodcast aujourd'hui. Ah, c'est quand même incroyable. Bon, après, on allait voir Kaamelott, autant te dire qu'on était en train un petit peu conquis. Mais on a croisé 3 fans de Floodcast. Ils avaient tous un sauciflard dans la main. Bien sûr. Ils t'ont dit qu'ils en avaient gros. Et puis ils attendaient le Hellfest avec impatience. Ah, bah tu m'étonnes. Il a été élu l'homme le plus optimiste de France. il était vice-champion l'année dernière cette année. Il a été champion. En allez, je suis très fatigué. En prédisant qu'il n'y aurait pas de quatrième vague. Il y aura, mais pas, pas confinement. C'est la chute du podium. Il est le showrunner de la série Groom. Il s'agit d'Axel Malivernet. Oui, bonsoir. Oh, il s'applaudit alors qu'il n'a pas applaudi Léopold. Je le il y a un différent entre nous. Depuis le Floodcast, il est le premier résultat devant moutarde et escargot quand on cherche Bourgogne sur Google. Il a autant de talent que de cheveux il y a une semaine. Ah oui, il a le marché super. Il a également plusieurs casquettes qu'il peut poser sur cette masse de cheveux incroyable. Il s'agit de mon bro, si j'étais un beauf, je pourrais dire ça. Ouais. Il s'agit de Florent Bernard, le petit prince de ce Floodcast aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, c'était pas aussi bien que tes introductions, mais c'est totalement improvisé. C'est génial. C'était totalement improvisé, comme à peu près le reste de ce Floodcast, car je suis en plein déménagement, en plein tournage, autant dire d'excellentes conditions pour préparer. Mais tout de même, pour faire honneur à ce que tu as installé dans le Floodcast, j'ai préparé un petit jeu. Des news insolites. Oh, tout de même. Je suis trop content. Les news du Floodcast. Et du coup, alors, je vais en faire. Alors, ne lisez pas, bien sûr. Attendez. Tu es optimiste, tu es également droit dans tes bottes, donc je te fais confiance. Alors. Je vais faire la première question et après, vous allez voir pourquoi. Ne posez pas de questions, s'il vous plaît. Taisez-vous, El Kabash. Oh, s'il vous plaît. Tutut, s'il vous plaît. Deux retraités allemands, deux hommes, se sont enfuis de leur maison de retraite et on les a retrouvés dans une situation pas banale. À votre avis, laquelle ? J'étais anti-vax. T'es pas anti-vax. C'est malheureusement très banal. Trop banal. Est-ce que c'est un rapport avec les inondations? Non. Ils baisaient? Ils baisaient pas. Ok. Ça enlève. C'est moins bien. Ils avaient pas leur masque. Oh le délire. Ça n'est pas nécessairement une news récente. Ah. Et pas forcément lié au Covid. Voilà, pas du tout. Ça n'est pas lié au Covid. D'accord. Okay. Ils étaient tous. C'est du sexe? Rien à voir avec le sexe. De la bouffe? Pas la bouffe. Divertissement. Le sexe. Divertissement, oui. Divertissement. Ah. Ils sont allés voir l'avant-première de Kaamelott en Allemagne. Non. Ils ne savent pas du tout. Non. Mais on est dans le domaine du divertissement, effectivement. Vous pouvez creuser. Dans cette ont donc une situation incongrue en Allemagne. Pour deux vieux, quoi. Ah, ah. Ils étaient en pleine. Ils prenaient de la grosse C. Non. Ils jouaient à Pokémon Go. Non. Fortnite peut-être. Non plus. Ah. Ils ne flossaient pas non plus. Ils ne flossaient pas. Non, aucun des deux n'a flossé. Est-ce qu'ils écoutaient? Ils ont peut-être dansé. L'enfoiré. Non. Enfin, je cherche des trucs de jeunes. On est déjà plus. On s'en rapproche. Est-ce qu'ils rappaient tout bonnement? Ils ne rappaient pas. Putain, parce que moi quand les vieux, genre ils disent yo, bah ouais, c'est le truc le plus marrant. Drôle du monde en fait. Est-ce qu'ils slamaient? Est-ce que c'est pas du rap hein, on va pas. Alors, ils ne slamaient. Ah, slamaient, tu parles de le slam, la poésie urbaine? Ouais, ou slammer, totalement. Alors moi je parle de slammer sur des. Alors tu te rapproches. Ah, merci. Est-ce qu'ils jouaient à The Floor is Lava? Faux. Tu t'éloignes. Ça aurait été très bien. Surfer sur la tectonique. Non, mais. Non, Florent a dit il slammait et j'ai dit tu te rapproches. Il faisait des pogos? Tu te rapproches. Il ne faisait pas un pogo, mais. Sur du métal, il dansait sur du métal. Je te l'accorde. C'était mieux. Retire, on va couper au montage ce que tu as rajouté. Non, en fait, ils les ont retrouvés au premier rang d'un concert de métal au festival Wacken Open Air. Bien sûr, très connu. Voilà, les deux vieux se sont enfuis. Alors, on ne sait pas vraiment si. on ne sait pas vraiment si. De quoi? T'as dit ils se sont tués? Pas du tout. Ils sont enfuis. Ils sont enfuis, on ne sait pas vraiment s'ils avaient pour objectif d'aller à ce concert, mais en tout cas, ils ont dit que ça. Tu vas arrêter. alors, Adrien ose détester de couper. En tout cas, ils ont dit qu'ils avaient beaucoup apprécié le concert, mais si on ne sait pas si c'était pour ça qu'ils se sont enfuis. A priori, non, ils étaient juste complètement déboussolés. Ils sont entrés là. Voilà, et donc c'est pour dire, c'était la seule question que j'étais obligé de formuler. C'est pour dire personne que te c'est... juge. En gros, c'est un jeu des news insolites, mais un peu spécial parce que c'est ton anniversaire. Oh. C'était 30 piges. Bah 30 piges, putain. L'âge du Christ. Tout à fait. ce ne sont pas des actus récentes, mais ce sont des actus qui sont liées à toi, à des thèmes ah, qui te... C'est vrai que j'adore le métal, par exemple. Bah, tu adores le métal. Bien sûr. Et les vieux. Tu adores pas le métal ? Si, j'adore le métal. Ah bon ? Voilà, parce que je me suis dit... Je suis allé au Hellfest. Oui, tu vas au Hellfest. Oui, bien sûr, bien voilà. sûr. Je crois que c'était sarcastique, je me suis dit merde, parce que ça nique un peu une partie de, de mon jeu. Qui s'appelle le jeu du métal. Donc, en gros, il y aura des news, enfin plus des infos insolites sur le cinéma. Très bien. Sur le métal, donc. Oh là là. Et sur la Bourgogne, bien oh sûr. Putain, bah les trois mamelles de ce que je suis, en fait. Absolument. Alors, bah écoutez. T'aimes les chips, toi, Axel là ? J'adore bouffer, en tout cas. Alors, mais alors, sachant que celle sur le cinéma, il y a des chances que bah, oui, tu réponds tout de suite. Je laisserai jouer, ça ouais, va. Oh là là. Et j'ai un lecteur DVD chez moi. Donc attends, il y a un portable qui est ici, je ne sais pas à qui il est. Ça, voilà, moi, bien. Ah, bah, il vibre comme un connard. Non, mais je le dis, voilà. Ça va pas, enfin. Bon, pardon. Non, non, mais attends, c'est à la cool, les mecs. Hein. On la joue carpe diem, collectif métissé. Bah, moi, je suis en mode YOLO, donc voilà. Bah, tu le pratiques, d'ailleurs. Je le pratique assez régulièrement. Alors, connaissez-vous le film Terminator 2 Terminator, en fait. Oui. Ah, oui. Non, Terminator. Ouais. Terminator. Alors, franchement, ouais, je connais les deux. Ouais, voilà. Bon. J'adore le cinéma. Connaissez-vous son réalisateur bien oui. sûr, James Cameron. Bien sûr. Bien sûr. Il est là. Putain, c'est très belle surprise. Il a, j'ai un message du bureau. Non. Avant Schwarzenegger, il avait envisagé un autre acteur pour jouer le rôle du Terminator. C'est vrai. Savez-vous lequel ? Alors, et cet acteur, ça serait un peu insolite, du coup ? Bah, c'est un peu insolite. Ouais, c'est un peu insolite. Hein. C'est Zidane. Ouais. Ah non, non, tu sais ou pas ? Je suis pas sûr. Mais je crois que c'est Christian Clavier. C'est ça. C'est ça. Qui avait d'ailleurs dit, non pas je reviendrai, mais ok, je reviendrai. Voilà. Non, c'est sûr. Ok baby. Donc ils ont dit non mais c'est hasta la vista. Ce sera ok. Ce sera ok. J'adore dire ok. D'ailleurs ça me rappelle une anecdote sur le c'était le j'avais vu un reportage sur la sortie de putain comment il s'appelle La Soif de l'Or. Oui La Soif de l'Or. Bien de sûr, Gérard Rouy, où il faisait genre je veux mon pognon, je veux mon pognon, et la voix off disait je veux mon pognon, est-ce le nouveau ok. Genre, bon, juste tu cries des phrases, ce ne sont pas forcément le nouveau ok. C'est le roi de la punch hein, en fait. Bah, il est super dans Kaamelott, il est très très drôle. Est-ce que je peux avoir les petites olives vertes qui enfin, sont à tes côtés? Bien sûr, ma casquette est très drôle. Il est très très drôle. Alors vous, moi, vous en avez eu gros ou pas? Ouais. Alors, bah, oui, bah, pendant à peu près tout le film d'ailleurs. D'ailleurs, si tu me demandes ce qu'est la vie, c'est plutôt le gras, pour être tout à fait sincère avec toi. Faut savoir que Léo. Je vais avoir très peu de refs, hein, vraiment. Mais même moi je l'ai pas. Léo est allé voir le film. J'ai vu le film pour Il m'a envoyé un texto genre. C'est quoi leur délire avec les jeux là? Non, vraiment. Ouais, mais il y a des. Oui, il faut. Ah, le cul de chouette et tout ça. Il y a quelques private. Et du coup. Ah, j'étais complètement largué. Ah, oui, bah et oui. Du coup, je pensais que j'étais à côté de la blague et en fait, c'est juste. Bah, t'es à côté quoi. De la ref, mon pote. Ouais, mais il a un univers en fait. Pourtant, les fans de Kaamelott, a priori, sont pas le genre de personnes qui ont envie de vraiment d'avoir des refs répétés comme ça. Et de... Non, par contre, c'est assez dingue. Bon, on va pas parler de ça comme ça, mais c'est quand même fou d'être fan longtemps après, quoi, parce que c'est fini plus longtemps. Ouais, 10 ans. Il n'y a plus de fans de Caméra Café, je pense, par exemple. Moi, il y en a moins. Bah, en l'occurrence, que dans des. Vers des machines à café, en fait. Pour moi, tu te souviens, à l'époque, c'était un show, quoi, ce qu'on fait. Boire du café. Alors. Marc, voilà, on passe vite à autre chose parce que ça. Bah, le ça rythme. Ça n'a pas créé vraiment. Non, l'étincelle n'a pas prise. Non, non, l'étincelle n'a pas prise. Alors, pour revenir à Terminator, est-ce que c'était un actionneur déjà établi, le mec, qu'il avait imaginé? Pas vraiment. Ok. À l'époque ou entre temps, c'est devenu un acteur un peu. Non, pas vraiment. Il a pas eu une immense carrière dans le cinéma. Alors, je crois savoir qui c'est du coup. Alors, est-ce que tu veux bien... Bah, est-ce que il faut un nom, ou est-ce que c'est pas vraiment le nom qui est fou, mais... Bon, j'arriverai pas à être clair. C'est le personnage qui est insolite. Hein. Il a quand même joué quelque chose d'un peu iconique avant ? Non. Je peux y aller du bout du doigt ? Vas-y. Est-ce qu'il joue un rôle iconique dans le même film ? Non. Ah non, c'est pas ça. Je pensais que Michael Biehn, du coup, jouait... Mr. Biehn. Est-ce qu'il était un super choix ? Est-ce qu'il est président des États-Unis ? Non. Donc c'est pas Biden. Il a pas eu une grande carrière, il a pas eu de rôle iconique avant, mais on le connaît. Alors, sûr qu'on connaît. En revanche, je peux vous donner un indice ? Oui. Ouais, complètement. À l'époque, c'était une star dans un autre domaine. Ah, Ray Charles. Non. Candeloro. C'était un chanteur ? Non. Un sportif peut-être. C'est un sportif. Putain, tiens donc. David Douillet. Il était blanc. Il n'était pas blanc. Est-ce qu'il y a un parallèle avec Mohamed Ali? Non. Un lien avec Space Jam, mais ce serait Michael Jordan. Non. O.J. Simpson. Non. O.J. Simpson. Oui. O.J. Simpson. Magnifique. Très pardon, Axel. Oui, oui. Bah, pardon, oui, magnifique. Incroyable. C'était O.J. Simpson. Ah, donc avant le procès. Oui, tu, bah, quand même. Ouais. Non, non, quand même. James, t'es sûr? Non. Il n'y avait pas encore la cancel culture, mais quand même, je pense que un mec accusé de meurtre, peut-être qu'il aurait dit, oh, je vais faire, je vais passer mon tour. Prenons Schwarzy. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il l'a, il l'a pas. Je mange en même temps, bien sûr. Bah évidemment, hey, c'est un podcast d'anniversaire. Bien sûr. Des chips, Axel. Ouais. Il a pas. Il adore ça. Je suis en diète. Il n'a pas gardé O.J. Simpson parce qu'il l'a, il l'a jugé trop agréable. Il a dit non, il a un truc trop genre gentil, avenant quoi. Bon, on lui donnerait le bon Dieu, je crois. Et après, je pense sans confession, que, hein, je veux dire. Et je pense que du coup, après, il s'est dit ah, je suis un excellent juge de caractère, car un bon. Ouais. Un bon assassin. Mais si, mais c'est un vrai Terminator, ça le dit du coup de la vraie vie. S'il avait une image un peu trop lisse, on peut considérer qu'il l'a un peu. Ah bah là, il a bien. Un petit. Oui, il a enlevé un peu le vernis, disons. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Alors, de 1995 à 2002, Pierce Brosnan était soumis à une clause de contrat bien particulière, laquelle? Il devait se shampouiner avec du pétrolane. Non. Bah, ah, il avait fait une pub pétrolane. Je sais pas, mais il a un brushing. En tout cas, il a une gueule à faire une pub pétrolane. Ouais, ouais. J'espère qu'il l'a fait. Et on lui souhaite. Ce serait une erreur qu'il l'ait pas fait. Hein, voilà. Sachouet d'ailleurs. Ouais. Sachouet. Sachouet. Sachouet. Un Farwell. Sachouet Baron Cohen. Sachouet. Oui, oh là là. J'adore. Donc de quelle année à quelle année il était sous contrat pour 95 à 2002. Il a joué, je voulais dire avec ce Sachouet, c'est il a joué avec le père de François Descraques, Pierce Brosnan. Ils jouent ensemble dans un film. Voilà. Alors déjà, je savais pas que le père de François Descraques. Alors pas du tout. En fait, ils ont fait un film qui s'appelle, enfin, Pierce Brosnan a fait un film qui s'appelle Coup d'éclat. Et dedans, il y a une scène où ils vont faire du golf ou je sais pas quoi. Et c'est dans un golf où il y avait le père de François Descraques. D'accord. Donc, voilà. Tu l'as vu ce film? Donc. Pas du tout. D'accord. C'est avec Salma Hayek aussi, je crois. D'accord. François me corrigera si jamais il entend parler de cette anecdote. Mais je crois que son père est dans le film, effectivement. D'accord. Alors. Sa mère est James Bond aussi. Après. Non, je vous dis, ah, bah, j'ai plein d'anecdotes sur François Descraques. C'est encore lié à Pierce Brosnan, c'est fou. Mange directement. Est-ce que c'était un contrat qui l'interdisait de faire une certaine activité? Ah. Ça lui interdisait de faire quelque chose, mais pas. De l'équitation. Pas vraiment une activité. Non, c'est pas une activité. C'est un rapport avec les cheveux, quand même. Non. Chanter? Faire une carrière musicale? Non. Okay. Rien à voir avec le sexe? Non. Ça l'empêchait de faire d'autres films, gosses, je crois, ça lui était interdit. Ça l'empêchait pas de faire d'autres films, mais on s'approche du truc. Il avait pas le droit de tourner avec un studio concurrent? Non. Ok. Pas le droit de tourner dans un film autre. Il avait le droit de faire tous les films qu'il voulait, mais ah, à une condition. Il doit jamais s'appeler James. Non, mais tu es pas loin. Ah, jamais un flic? Enfin, jamais un agent secret? Non. Jamais un flingue? Non. Ah, putain. Mais on s'approche. Jamais en anglais? Il n'a pas porté de smoking. C'est oh, ça. Génial! C'est ça. Il génial ce jeu où tout le monde trouve son voix. De 1995 incroyable. À 2002, Pierce Brosnan n'avait pas le droit de tourner en costard. Quoi, génial. Dans génial. Un film. Putain. Incroyable. Voilà, au jour de l'an aussi, malheureusement. Vous savez, quoi? Au jour de l'an, il y a pas droit. Le plus dur, c'était aux enterrements où il y a dû venir en jogging à l'enterrement de son père. Je suis désolé, c'est une clause de contrat. Vu qu'il y a quelqu'un qui filme, je suis obligé. Alors du coup, c'est parce que les gens veulent pas l'assimiler. Enfin, c'est pas parce que les gens disaient, bah non, James Bond. James Bond, ouais. Si t'es James Bond, c'est que sinon tu dis ah bah il y a James Bond dans le film. Oui, mais en même temps, voilà. Oui. Même pour lui, en même temps, c'est con. S'il met un smoking dans un autre film, les gens diraient bah c'est évidemment James Bond. Par contre, il avait le droit de porter les t-shirts avec un smoking dessiné dessus. Il avait le droit. Eh, pas mal ce Floodcast pour l'instant. Ouais. Franchement, génial. Alors, c'est mieux si c'est nous qui le disons, je pense. Ouais, mais comme ça mettait un peu de temps. C'est un succès pour moi. Et en même temps, si on l'avait dit, t'aurais fait. Ou t'as besoin de le préciser. Bah, bien sûr, je l'ai lu. Je suis un être complexe. Mais je l'ai. C'est vrai que t'as plusieurs couches. Être de lumière. Le personnage de Pumba, bien sûr, est historique dans l'univers de Disney pour une raison plutôt cocasse. Mmh. Laquelle? C'est le premier personnage qui pète. Oui. Ah, je le savais. Absolument. Bien joué. C'est très bien joué. C'est pas drôle si tu trouves tout de suite. Alors, c'est pas drôle, mais c'est impressionnant. J'avais pas l'info. Tu as deviné, donc tu sais pas. Je me suis dit, Cendrillon, elle l'a pas fait, par exemple. C'est vrai. Alors, cela dit, je crois qu'un des nains lâchait des silencieux. Achoum, on n'entendait pas. Achoum, on n'entendait pas parce qu'il éternuait, mais lâchait des caisses. En même temps, oui. Ouais, bien sûr. Et la bête, dans La Belle et la Bête, se chie dessus. C'était avant, mais techniquement, ça n'est pas un pet. Non, en 4K, si tu zoomes, il y a des petites traces de merde des collées au de poil. Des traces de 4K, tu veux dire? Oh oui. Oh. Je mets des patates dans mon micro. En vrai. Alors, il y a un point commun. Regardez comme il est malicieux. Qui n'est pas le fruit du hasard entre le film Titanic et le naufrage du Titanic, savez-vous lequel? Le bateau, bien sûr. Oui, les bateaux qui coulent à la fin. Ah, le bateau. Non, mais il y a un point, il y a un truc qui. Les deux ont quelque chose en commun et c'est. Ça n'est pas le fruit du hasard, quoi. Ah! Le capitaine, c'est le. Non, bah non, je suis con, il est mort. C'est le même mec qui était dans le bateau et qui a joué de. Bah non. Bah, un gars qui est d'ailleurs encore adoré. J'ai vécu une tragédie horrible. Non, mais c'était pour compenser vu qu'on trouvait tout tout de suite. Voilà, toi, tu penses à l'auditeur. Et ça, je dis des conneries, quoi. Alors. Donc, non, pardon. Non, mais attends, non, rigole. Attends, arrête, c'est ton anniv. Hein. C'est vrai. Et surtout, il n'y a que ça. Il n'y a rien après. Donc, il n'y a pas plus d'amis qui viennent après. Il y a une teuf. Non, c'est vraiment que ça. Bah, Clara qui est partie, c'est vrai qu'il y a un truc un peu qui m'impressionne. Qui n'est pas revenu. Qui peut potentiellement décéder. Il n'y aura rien après. Est-ce que c'est un rapport avec le bateau en tant que tel? Non. Comment ça? Je sais pas. Les familles touchent. Non, ça n'a rien à voir. C'est même pas ta question. Non, j'allais dire des familles touchent sur le film. Non. Mais pas du tout, non, c'est non, pas non. Du tout ta question. Le point commun, c'est entre le naufrage, okay. L'événement et le film. Le lieu de tournage, ils ont tourné près. Non, ça aurait été glauque. Cela dit, dans le film, ils vont vraiment. Genre, je sais que James Cameron disait l'une des excuses pour faire le film, ce début-là, c'était d'aller filmer vraiment le bateau coulé du Titanic. Enfin, ça n'avait jamais été filmé avant le film Titanic. Ça va vous paraître tout bête. Peut-être bête. Même décevant. Ah, mais trouvé. Non, peut-être mais je vais vous dire la réponse. Mais après, que... pour les vrais cinéphiles, c'est évidemment un excellent bonbon. Ah. Un easter egg, c'est le terme. C'est ça. Voilà. Jennifer, un easter egg. Oh là là. Très beau, très beau. Ça, c'est un anniversaire. Ça, c'est la. Là, c'est ça, si vous café, ça. Un pigeon est rentré dans mon appartement tout à l'heure. Je te le dis. Tu l'as fait sortir comment? Tu l'as abattu. Incroyable, on a eu très peur. Il en a ouvert la fenêtre pour aérer. Un pigeon est rentré. Oh, incroyable. Il devait paniquer, le pauvre. Il a paniqué, il a un peu chié sur notre lit. Et, du coup, Ça se trouve, c'est le même pigeon qui, quand je suis sorti de chez moi, s'est envolé et s'est pris la porte de mon immeuble. Ah, c'est terrible. Il a cru que c'est. Je sais pas ce qu'il a fait. Il a vraiment foncé dedans. Enfin, j'ai entendu derrière moi, boum. J'ai vu vraiment un pigeon comme. Et après, il a fait pardon. Mais les stats pour ce soit le même. Il avait une bouteille dans l'aile, c'était avec trois petits X. Non, mais par contre, c'est vrai que c'est très con un pigeon. Enfin, vraiment, il se fonçait dans les murs et dans les fenêtres. Enfin, il a paniqué, bien sûr. Et on sait pas à quoi ça ressemble, un bébé pigeon. Ah, dans ton stand-up, ça. Ouais, non, mais en vrai, les pigeons se prennent des vitres parce qu'ils voient un reflet, ils pensent que c'est le ciel, en fait. Ouais, et ils voient pas eux dans le reflet. Bah, quand t'arrives très vite en volant, tu dis oh merde, y'a moi Alors, le point commun entre le naufrage et le bateau. Non, et le film. Et le film, pardon. Il y a eu autant. Non, rien à voir. C'est-à-dire autant d'entrées que de morts sur le bateau, à savoir 5 milliards. 5 milliards de morts dans le Titanic. Mais qui n'est pas. Oui, tu dis qu'il n'est pas le fruit du hasard. Donc, la nana qui joue Rose quand elle était. Okay. Il a fait tout de suite qu'on perd pas de temps. Est-ce que c'est un délire avec. Les survivants ou des gens qui étaient sur le bateau? Non, c'est du matériel de bateau. Non, c'est une volonté du réal. D'accord. Je peux vous donner un petit indice. C'est une volonté du réalisateur qui est bien sûr James Cameron. Cameron. Encore... On y revient. Mais encore lui, c'est fou. Putain, il va venir, je vous dis. Je vous jure. Mais il arrive. Clara est partie chercher à Roissy. Il sera un peu jet lag. On n'a pas pu avoir Jérôme. On a improvisé James Cameron. Il a voulu tourner quelque chose où. Quelque part, par exemple. Tu as improvisé, improvisé cette phrase. Écoute, je me prépare à une réponse décevante, donc je cherche des questions décevantes. Non, J'ai rien, moi. Moi, j'ai rien du tout, là. C'est un truc de chiffres? Pas du tout? Oui. En quelque sorte, oui. Ah. Oh là, t'es en train de crever? La durée du film? Ah. C'est, oh. La même c'est la durée de... Du naufrage. Non. Putain. Du film? Oui. Le film dure 2h40, ce qui est la durée... à partir du moment où le Titanic a tapé l'iceberg, jusqu'au moment où il a été englouti. Ok. 2h40. Et James Cameron. C'est sordide. C'est sordide. Et deux, heureusement que ça n'a pas duré 10 minutes, sinon ça n'aurait pas eu le même succès. C'est vrai. Après, il aurait peut-être fait pas ce choix. Je ne sais pas. Ou alors il en aurait fait un film moins cher. Quoi. Et la version longue, c'est vraiment le dernier souffle du dernier survivant du bateau. Je tiens à vous dire que toutes ces anecdotes sont des bonbons pour moi. Bah, j'adore ça. Attention les caries, hein. Tu rigoles. Du coup, il m'en reste pas mal sur le cinéma, mais puisque ça c'est des bonbons, on va passer sur peut-être une petite cuillerée de moutarde, si tu vois ce que je veux dire. puisqu'on va passer sur une métal. On va passer sur une petite news bourguignonne. Putain. Alors, un magasin. Je vais être moins présent. Oh bah et moi. Un peu. Le principe, c'est de deviner de toute façon pour des questions. Oui. Tout le monde peut trouver. Léo. Pardon. Ouais. Un magasin un peu spécial a ouvert le 22 mai dernier en Bourgogne. À votre avis, quel genre de magasin? Ils vendent des escargots. Non, des délires que tu as, je vois toi. Pourquoi tu dis ça, mais non. Des masques en forme d'escargot? Non. Okay. La boutique de merchandising du Floodcast? Non. Ah non. Elle arrive lourd, vous êtes à fond. La particularité n'a rien à voir avec la Bourgogne. Ah, d'accord, okay. C'est juste le lieu, c'est en Bourgogne. D'accord. Et c'est lié au Covid ou pas du tout? Ça n'est pas lié au Covid. D'accord. C'est une trip. Non. Non. Ça n'est pas, ce qu'ils vendent qui est. Enfin, ah, ça... c'est une boutique dans une église, peut-être. Non. D'accord. Ça n'est pas les produits qui sont. Qui fait le boulanger. Qui sont particuliers, quoi. Oui. Est-ce qu'il y a un jeu de mots dans le titre du magasin? Effectivement, mais c'est pas ça la particularité. Je vais quand même chercher le jeu de mots. Ah, c'est un coiffeur pour une c'est partie. C'est pas un coiffeur. Non, ok. C'est un commerce. Ah, c'est un service d'aide à la personne. Oui, non, mais c'est un commerce, oui et non, oui et location, non. Location? Non. Non. Creuse, va encore plus loin dans le... Dans attends, le... je sors ma petite pelle. Oh là là, creuseur. Marion Creuseur. Oh oui, ça marche. Pas terrible. T'as roté, mec? Alors... Vous les gardez, ces trucs-là ou... Oh oui, oh, voilà. Okay. Alors là, si tu savais. Roue libre. Ça n'est, c'est... Ambiance roue libre. On peut, est-ce que c'est vraiment un magasin? Voilà, je vous donne un petit indice. Voilà. Ok. Mais alors, un indice qui vous perdra totalement. Je mets une olive, moi. Oh, ça te dérange pas? Je les bouffe toutes. De tout oui, j'enfile. Qu'est-ce que peut être un magasin qui n'est pas vraiment un magasin? Quel est le principe d'un magasin? Vendre des choses. Ah, ils achètent des choses plutôt. Non, il les donne. C'est un monop, c'est vraiment décevant. Ah, il les donne, tout est gratuit. Ah, c'est à tout à 10 balles, mais sans pièces. Voilà, et en fait, les gens peuvent à la fois venir déposer des objets en disant... Oui, en disant, génial. Bah, tenez, vendez ça. Michael vendait ça, bien sûr. C'est la fin de cette émission, on a atteint le max. Toute cette mise en scène était pour arriver à Genoa. Bien sûr. Et en échange, les gens peuvent venir dire « Ah bah moi, il me faut ça », hop, ils peuvent prendre et repartir avec des objets sous le bras de façon gratos. Mais exceptionnel. Voilà. Et alors, le jeu de mots que je vais pas te laisser chercher parce que c'est impossible à trouver, ça s'appelle le en plus, c'est même pas un jeu de mots, d'ailleurs. c'est le repère sans flouze, mais ça s'écrit S-A-N-F-L-O-U-Z-E. Ah, sans flou. Oui, c'est nul. Ah ouais, c'est nul. Mais l'idée est géniale. Alors, c'est le pire business model pour un business. Alors, en parlant de nul, j'en ai une, je l'ai gardée spécialement pour toi, Léo. Non, quoi là, dis-moi, c'est pas là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Une question que j'ai gardée juste pour avoir ton avis après sur le truc. Un Dijonnais a lancé un service de messagerie un peu spécial. À votre avis, en quoi consiste-t-il? En animateur, je me trouvais excellent. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. J'ai eu un excellent modèle sous les yeux pendant des années. Je ne fais que te plagier. J'ai dit Koué. J'ai dit que c'était mieux. C'est en rapport avec le premier degré? Non. Okay. Non, mais ça n'a rien à voir avec toi. Mais je me suis dit, je veux ton avis une fois que vous aurez trouvé. Ah, se faire complimenter? Non. Non, non, mais non, un non, service que t'appelles. Ça vous embrouille ce que je viens de dire. Ok. C'est. Non, mais t'as dit c'est un service de messagerie bien particulière. Donc ça pourrait être. On t'insulte? Non. On trouve... Ouais, non. On te... Ah ouais, c'est dingue ça, attends. Oui. C'est vrai que c'est dingue. Attends, mais c'est... En gros, attends, un service de messagerie, on appelle et il... Non. Non, d'accord, pas du déjà tout. Déjà non. Rien. Ouais. Ça se fait avec un clavier? Avec Christian Clavier, peut-être? Non. Avec non. Christian... C'est un mec qui imite Johnny. Qui... Avec non. Jacques Vabre? C'est le... Le vecteur du message qui est bon là, je vous dis un énorme indice. Ah, et pourtant, c'est Sophie Elix vecteur. Oh oui, j'aurais dû oser plus. Je l'ai pas assumé entièrement. C'est dommage. T'as essayé de doubler en seconde, malheureusement. Ouais. Il avait passé la vecteur, troisième. Vecteur Hugo aussi l'auteur. Ouais, les deux marchent. Non, oui, c'est le support du message qui est voilà. Ah, c'est une lettre. On t'envoie des lettres? Non. Ah, le retour du pigeon. Non. Ah, oui. Peut-être. Non. C'est quelque chose qui n'existait pas jusqu'à présent, je pense, et pour cause. Pour bonne raison, je pense. Ah, c'est pour dire à des meufs qu'on les aime? Non, non, c'est vraiment, c'est le... Le message en lui-même. Non, c'est le support du message qui est ah ouais. Un tatouage? Non. Un papyrus. Non. Pendant l'éclipse sur MCM. Oui. C'est quelque chose... on n'écrit pas des messages là-dessus, normalement. Encore sur les murs de ceux qu'on aime. pour le coup, on le fait. Mais... c'est... Essayez de poser des questions sur ce support. C'est de la nourriture ? Oui. Ah, tiens donc. Sur des gâteaux d'anniversaire pour dire joyeux anniversaire. Parce que ça existe déjà. Et c'est ridicule. Mais et là, il y en a un qui arrive, évidemment. c'est pas insolite. De la moutarde ? C'est Dijon. Non. Plutôt sucré, plutôt salé, plutôt bec sucré, plutôt salé. Ah, plutôt. Mais ça peut du être pain. Sucré. C'est pas du pain. On t'envoie des courriers avec les nouilles en forme de lettres. Non, non, oui. Pas mal. Un pain surprise, non ? Comment ? Du pain surprise. C'est pas un pain surprise. Ah putain, je sais pas du tout. Du M&M's ? T'as dit quoi ? Du pâté ? Non. M&M's, non. D'accord. T'as dit salé en même temps, M&M's, c'est l'inverse. C'est du sucré pur. Plutôt salé, après, tu peux cuisiner ça comme tu veux. Des chips. Petit indice. Ah, t'as dit quoi ? Des chips. Alors. Non. Des Doritos. Non, mais chips, tu es très proche. Des pommes de terre. Ah, des voilà. Pommes de terre. Ah. Donc je voulais juste ton avis sur ce service. Est-ce que tu trouves ça top ? Non. Voilà. De la merde. Oui, c'est oui. Nul, atroce. Ah oui, c'est la pire idée. Voilà. Il y en a qui vont arriver, c'est ça l'idée ? Non. Une espèce de mise en scène. Non, mais une pomme de terre. J'ai lu ce truc, j'ai hésité à le mettre parce que je me dis c'est à chier. Ah, c'est à chier. Oui, mais en même temps, je voulais te. Après, c'est des Dijonnec, donc je vais peut-être les croiser. Donc pas si à chier au final si on y réfléchit bien. C'est nul. Alors. Et une petite news. Ah, mais ça, c'est magnifique. une petite news métal. Ah, donc là, on n'est plus sur un bonbon, on est plus sur. Oh, sur une bonne bière, mon pote. Apéro, tu connais ou pas ? Alors... une bonne roulée. En mai dernier, quelqu'un a déclaré être fan de métal. Savez-vous qui c'est ? Ça Catherine compte, Deneuve. On, c'est un peu de ce ordre-là. On ne s'attendait pas à ce que cette personne. Soit fan de métal. Mais ne serait-ce pas Michel Sardou ? C'est absolument Michel Sardou. Je l'ai vu passer. Ah, là, mais il l'a dit pas n'importe où, dans l'heure des pros de Pascal Pro. Et il a qui dit, nous rejoint dans une heure. Il a dit « Je suis un fou de métal. Personne voilà. ne le sait, mais j'adore cet univers. Je suis allé une année au Hellfest, c'est dément les spectacles qu'ils font. » Et après, il a dit « Les fans, les guitares, j'aime tout. » À partir du moment où on invente un monde, ça m'intéresse. Bah, il a pas tort. Et... Sauf le monde d'après qui l'intéresse moins. Hein, attention, il a pas le choix là. Et même le monde du présent, enfin plutôt le monde du passé. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas banal Sardou qui aime le métal, mais c'est déjà pas banal Sardou qui aime quelque chose. Oui, c'est ça. En fait, il a vu des spectacles un peu médiévaux. Il a fait, c'est génial ça. Des flammes et des chaînes. C'est clairement, il n'était pas au Hellfest, je pense qu'il a confondu. Il était à un truc clairement. William Green, oui. Mais cela dit, putain, d'avoir Sardou au Hellfest et ne pas le faire monter sur scène, quelle erreur. Quelle erreur. Alors là, pardon. Ultra Vomit l'aurait fait, je pense. Bah, je pense. Surtout depuis qu'ils ont joué devant Macron, je pense. Marc Sardou, il doit pas aimer trop Macron, lui. Il aime rien, à part le métal qu'il adore. Je crois qu'il en est fou. Fou. Ce que j'aime, c'est qu'il dit les fans et les guitares. C'est bizarre tout, de citer les fans. Enfin, et la communauté métal. Ouais, hein. C'est une grande famille. Hein. Alors, un sondage. J'adore. Réalisé par un journal britannique que j'ai oublié de noter, mais c'est peu important. The Guardian. Non, c'est un truc de merde, genre The Sun, je crois, ou je sais plus. Ils ont réalisé un sondage qui révèle quelque chose à propos. Une particularité des fans de métal, à votre avis ? Est-ce que ça vise à ce qu'on se moque d'eux à la fin de la devinette ? Non. Ça m'oriente. Mais... Okay. Ils se rasent ? Ils se rasent les couilles, tu veux dire ? Potentiellement. Non, c'est pas non, ça. Okay. Tu peux me répéter le... Oui, bien sûr. T'écoutais pas ? Pas du tout. Un sondage qui a été réalisé par un journal britannique a révélé une particularité des fans de métal, et à votre avis, laquelle ? Ils sont très polis. Non. Non. Mais on est dans le... Non. Non. Ils sont. Rapport au QI ? QI ? Ouais, le coefficient intellectuel ? Non. Au groupe sanguin ? Non. Je croyais longtemps qu'on disait coefficient intellectuel. Ah ouais, ouais. Avec, avec un Q. Bah c'est ça, ouais, comme, ouais. Comme un bon début. Bah le tien est très bas du coup. C'est ça, cassé ! Allez hop ! Hop là ! Ça dégage ! Tu sors ! Allez, je suis rhabillé pour l'hiver, alors que c'est l'été. Donc il va faire chaud si je m'habille comme, voilà. L'hiver, comme l'hiver. Tu m'étonnes, tes premiers degrés. Ouais. particularité des métalleux, ils ont beaucoup de jeans sur eux. Non. Non, c'est pas ça. Non, mais quand j'ai dit. Bah non, je. Quand j'ai dit. Ah, il aime trop les petits t-shirts là. C'est pas faux, mais c'est pas ça. C'est pas faux d'ailleurs dans Kaamelott. Oui, ouais, c'est une ref. Ils le disent ou pas? Non, ils le disent pas. Oh, non. Dis donc. Non. Mais il faut pas. Mais c'est comme dans le film d'Inès Reg, elle dit pas les poutres apparentes, tout ça. C'est hyper décevant. Tu veux dire les paillettes? Oui, les paillettes, ouais. Pardon. Non, non, mais si, elle dit machin au plafond là. Ah oui, les moulures. Moulures les au plafond, c'est ouais, vrai. Bon, j'ai pas la ref. Est-ce que je me trompe? Alors, à votre avis, cette particularité. Oui, pardon. Déjà, essayez de voir sur quel domaine ça peut porter. Ils sont bilingues. À la manière de Norman, les bilingues. Ouais, ouais. Que t'as écrit d'ailleurs. Que j'ai. Non, il est là, bon anniversaire. Non. Tac, tac, tac. Donc, putain, ils sont. Oui. C'est pas moi. C'est le. Non, c'est moi, pardon. Ben, ils rotent peut-être. Non. Okay. C'est un truc plutôt positif sur eux. D'accord, ils sont. Essayez de voir. Ah, donc... c'est des bisounours en fait. On essaye de voir dans quel domaine déjà. Aller au plus large. Ah, ils écoutent de la musique classique. Non. Essayez de voir dans quel sur quel domaine ça peut porter. Oh, okay. Allez, après on va au plus. Ils sont plus généreux dans les œuvres caritatives. Vous allez jamais suivre mes instructions en fait, c'est ça le truc. Ça fait 5 fois que je vous dis essayez de voir dans sur quel domaine ça peut porter. Bah c'était ça, moi c'était le domaine caritatif. Repose ta question que t'as posée 20 fois depuis le début. Rapport au cul. Oui. Alors on y arrive. Ils sont passifs. Non. Agressifs. Non. Passif agressif peut-être. Plutôt BDSM. Non. C'est pas une pratique sexuelle, mais c'est lié au sexe. Ah, ils ont perdu leur virginité très tôt. Non. D'accord. Petite bite. Non. Plutôt positif. Oui, c'est un truc plutôt positif. Cela dit, c'est là pas. Voilà, mais. Dans la société, c'est quand même plutôt, c'est vrai, négatif. Plutôt négatif. Ouais. Après, je dis ça, la mienne, c'est. Dans l'absolu. Non. Actuellement, elle touche le genou d'Axel. Et il est loin. Je suis dans l'autre caisse. Alors, rapport au sexe. Ils sont. C'est pas une pratique. Au sexe et à l'amour, disons. Ah, ils sont fidèles. C'est ça. Ah, métalleux est fidèle. En même temps, ils écoutent des groupes depuis. Enfin, qui sont les mêmes depuis 40 ans. Non, mais ils sont fidèles, oui. Oui, ils sont c'est ça. En c'est... amour. Ce sont les fans de musique c'est les cool. plus fidèles. Sachant que. Les fans de Zouklov, un peu moins. Les fans de jazz sont les pires. Apparemment, c'est puis à cause du piano à queue, ça. Les fans de jazz sont les moins fidèles, puis les fans de salsa, les fans de pop, ça se frotte, les fans de country, les fans de rap, les fans de musique classique, les fans de blues, les fans de rock, les fans d'électro. Il va citer toutes les musiques. Il y a marqué indie, donc j'imagine que c'est indie rock. Oui, indie là peut-être, les fans d'indie là. Les fans d'indie là sont. C'est basé sur du phoning où un mec dit est-ce que vous trompez votre femme? Et il doit répondre oui ou non devant leur donc femme. Donc peut-être que je suis fan de métal, ils sont les plus menteurs. Et les jazzmen ils font grave. Alors ça. Vous avez déjà trompé? Grave. Oui. Bah alors ça et de la trompette, mais je suis là, je suis en train de tromper ma femme hein, au moment où je vous réponds. En fait, ils ont pas dit je la trompe, ils font je fais de la trompette. Oh là là, c'est la meilleure de la saison. Vous m'entendez, c'est la meilleure de la saison. Un peu de chiffre pour tout le monde. Il a été embauché pour faire les bruits parasites, je pense. Génial. Du film Parasite, d'ailleurs. Oh. Alors, ces entrées aiguës, tu parlais d'un film tout à l'heure en faisant une blague comme ça, parce que t'adores. Blaguer c'est aussi. Ton gagne-pain, finalement, ouais. Les blagues. Hein, c'est vrai. En structure, bon, t'es pas. Oh, si, ça va! Non, mais je rigole! Oh, si. T'as vu les bouquins? C'est le cas, t'as derrière! Hein. Je rigole, j'imitais. On bipera ça bien. Alors, tu parlais de la liste de Schindler tout à l'heure. C'est vrai. Ah. Eh bien, sachez que. Là, ça va être une question in. Non, pas du tout. Une question co. La liste de Schindler a permis à Steven Spielberg d'accomplir quelque chose dans sa vie. Savez-vous ce que c'est? Je sais qu'il a donné beaucoup du coup au rescapé. Ça n'est pas ça. C'est un truc perso de sa vie. Ça lui a permis d'accomplir un truc. Bah, de se rendre à Auschwitz peut-être. Sur non. Là où il a perdu peut-être des ancêtres. Ça n'est pas ça. Non. Un deuil qu'il a réussi à faire. Non, c'est un truc positif. J'adore. Je pensais vraiment m'étaler dans mon canapé et je joue à un jeu. Je suis trop content. Elle est tellement surprenante que peut-être c'est complètement faux. Mais moi je l'ai lu dans une liste d'anecdotes sur le cinéma. Sur Hollywood. Je compte sur les flottes Castaldos et les flottes Castaldi pour me dire en fait c'était faux. Petite tape sur les doigts. Vous le ferez. Ouais, voilà. Ils vont pas se priver de vous le faire. Vous le ferez voir quand c'est vrai, vous me direz que c'est faux et je vous dirai bah non, c'était vrai. Voilà. Ah, ça suffit. Et ils feront, tu m'as répondu, j'adore. Alors. C'est très. Moi j'adore. Alors. Je suis stupéfait. C'est mon anniv. Est-ce que c'est la première fois? Alors c'est pas très. Audio. Déjà, rien que le début, je peux te dire que c'est pas ça. Mais... Ok. On passe à la suivante, là. Non, est-ce que vous voulez que personne je vous dise ou pas, voilà. Est-ce que il a pris contact avec quelqu'un de sa famille du passé? Non. D'accord. C'est quelque chose de presque administratif, quoi. Ah, il a été reconnu en tant que... j'allais dire juif, mais ça marche pas comme ça. Non, c'est vraiment pas un diplôme. Hein. Ouais, je sais pas. Non, mais plus un club, j'imagine. Ouais, ouais. Oui, plus un truc, une tape dans la main. Il a changé de nom? Non, je vous dis. Vas-y, c'est toi qui décides, Florent. Non, dis-nous. Figurez-vous que... En fait, si on cherche, c'est encore plein d'autres façons de déraper. Donc ça lui a permis de terminer son cursus universitaire. Ah, il avait présenté, commencé 33 ans auparavant. Quoi? Je savais cette anecdote. En fait, il n'avait jamais fait son... Son film de fin d'études. Film de fin d'études, et c'était la liste de Schindler 33 ans après ses études. Il a dit, voilà, du coup, peut-être un petit peu grugé quand même. Peut-être il a eu 8 sur 20. Non, un prof très antisémite, malheureusement. Il a dit, tout est faux. Vraiment, le principe des études, normalement, c'est de ne pas faire une immense carrière de plusieurs années avant, et après de dire, voilà mon projet. Voilà, je crois qu'il avait peut-être quelque chose à défendre par rapport au fait qu'il a fait plein de films un petit peu populaires, et il voulait prouver à cette école... Je peux avoir des Oscars en fait. Oui, mais tu es un des plus grands réalisateurs du monde, déjà. C'est vrai. Ça n'est plus, c'est mignon, mais arrête Spielberg. Il m'énerve régulièrement. Tu te la joues, Spielberg. M'énerve régulièrement, tu te la joues mignon. Arrête. Allez, on repasse sur la Bourgogne parce que je suis énervé. Alors, en parlant de mignon, petite anecdote, je suis allé voir hier d'ailleurs Fast and Furious avec Jérôme Niel. Et Il est là un jour sur deux, lui. Et il y avait une scène avec des Français. Et à un moment, il voit donc deux des personnes. Et Angèle, non, il y a deux Français, donc le film était en VO, mais il parle français. Et la phrase est, j'ai l'impression qu'on dirait des mignons ou quoi? Donc pas du tout une phrase française. J'ai l'impression qu'on dirait des mignons ou quoi? On dirait une phrase du Floodcast. Vraiment, on s'est regardé avec Jérôme, mais personne ne parle comme ça. C'est vraiment, personne n'a vérifié. Mais ça, c'est un drame quand même dans le cinéma américain, chaque fois qu'il y a des Français. C'est soit des Américains qui imitent un accent français ou des Québécois. ou des Québécois, voilà, ouais. Ou des acteurs français qui jouent mal. Ouais. Mais ils savent pas la musique française, tu vois. Alors, sauf Alban Lenoir dans Taken, bien sûr. Évidemment. Hein, une bonne bagarre. Mais ton poteau de bagarre, je crois. Mon frérot de bagarre. Je peux le dire, je suis dans Balles Perdues 2. C'est faux, bien sûr. C'est totalement faux. Mais dans Lost, la série Lost, quand il parle français, c'est incroyable. Ouais, la noix de coco! Ouais, la noix de coco! Il y a à la fois des Américains et à la fois des Québécois, je crois. Oui, c'est ça, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Alors, la Bourgogne, et là, c'est plus peut-être pour Axel Méliard. C'est l'optimisme. En mars dernier, le club de football de Dijon, qui s'appelle le DFCO, le FC Dijon. Le DFCO, bien sûr, a subi une sorte de petit sabotage, à votre avis, lequel? Ils sont fait. On comprend pas ça, bien sûr. Non, mais je demandais. Okay. Ce n'est pas ça. Ok, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est passible de prison? Non. Okay. Je pense pas. C'est leur a niqué le terrain. Genre, on a mis de l'eau. Non. Non, c'est un adversaire qui a fait ça? Non. Qui a fait ça d'ailleurs? Qui peut s'asseoir à la table? C'est ça. D'ailleurs, ils ont cherché le respect longtemps après cette intervention. Ils se demandaient où il était. Qu'est-ce qu'on aime les mèmes, putain. J'adore ça. Il y a un quiz sur les mèmes après. Ah, trop bien. Pas du tout. Moi, quand? Merde. C'est un problème avec... Il y a eu quelque chose dans les vestiaires? Non. Allant au centre d'entraînement? Un truc administratif, peut-être? Non et non. D'accord. Avec les équipements, le maillot, tout ça? Non. Ils ont retardé leur pendule d'une heure? Ils ont arrivé en retard? C'est ça. Je vis dans Wallace et Gromit. Non. C'est pas dans un match. Ça n'est pas. Non, c'est de manière générale. Les ont été sabotés. Je peux vous donner un petit indice. Je t'en supplie. Ça n'est pas quelque chose dans le monde physique. Waouh. Ah oui, c'est sur les réseaux sociaux. Donc ils ont été piratés. Le site internet. Tu te rapproches. Le blog. Non. La boutique. C'est officielle. Sur internet. Ah, c'est le PSN? Non. Enfin, genre. Non. Non, okay. Non. Dans. WhatsApp. FIFA. Un truc WhatsApp. Non. FIFA, non. PES. Non. Insta. Guiro Manager. Non, c'est pas les réseaux sociaux. C'est sur Internet. Internet. Y a quoi d'autre? C'est pas le site officiel. Il y a un historique de YouTube, genre? Ou un historique de site, d'ailleurs? Non. C'est pas leur site officiel, mais c'est... Le site de fan? Non, c'est quand même un truc de référence sur eux. Le Wikipédia. C'est ça, absolument. D'accord. C'est a priori sans doute des fans déçus ou peut-être juste des gens qui détestent ce club, okay, qui ont fait des micro modifs sur la page du DFCO. Ah, il est pas sympa. Le DFCO qui veut dire Dijon Football Club Côte d'Or, ils avaient bien remplacé sûr par Dijon Nul Football Club Côte d'Or. Oh, non. Bah, ça, hey, on est voilà, les, on sait jouer avec les mots. Ils avaient également ajouté une phrase que j'aime un peu bien, qui est son credo est la défaite, qui me fait un peu rire. Et sinon, la page de base disait il évolue en Ligue 1 et ils ont rajouté par miracle. Voilà. C'est vrai qu'ils sont pas. Là, ils sont et voilà, et c'est resté apparemment quelques heures parce qu'ils avaient mis juste des petits trucs par-ci oui, par-là. C'était et pas coup, si visible. Voilà, les gens ont mis un peu de temps, c'est resté en ligne pendant un moment. Voilà. Et la bienveillance des fans de foot. Voilà, tu m'étonnes. Les des mecs, hooligans, mais les mecs. Ouais, c'est ça. Ils sont des payés des milliards, les mecs. Alors, Florent, métal ou cinéma? Oui. Métal ou cinéma? Eh bien, cinéma. Cinéma, tu m'étonnes. Le film... Cinéma, tu m'étonnes, qui est dans l'émission que tu lances à la rentrée. C'est ça, c'est mon podcast. Là, en fait, c'est un. Ça va être lieu à un. Allez, dis-moi. Un pilote, bien sûr. Non, tu sais quand. Un spin-off, évidemment. Un spin-off, merci. Bien sûr. Je suis fatigué. J'ai hâte de voir le nouveau podcast, du coup. Le film Top Gun a eu un impact inattendu. Le 11 septembre. Que des blagues très dark. Non, bah, c'est mes 30 ans. Je change non, mais de... tu vois, non, mais dès que t'es plus le chef à bord, tu vois, tu comprends un ça peu. Ça va vite, coup. Ouais, ça va très vite. Non, à votre avis, quel impact a eu le film Top Gun salut McFly. Les gens, ouais, oui, j'allais dire, s'inscrire à l'armée de l'air. Qui sont les nouveaux, si j'avais le nom des personnages de Top Gun. Iceman et Maverick. Voilà. Ouais, les gens s'appelaient comme ça en vrai, et c'était agaçant. Top Gun? Les gens, ils s'appelaient comme ça. Ils surnommaient par les surnoms des gars. Ah oui, Iceman et. Non, non. Il y a une croissance d'adoption des taupes. Non. Mais c'est une hausse de quelque chose. Bah, de la natalité? Non. De prénom de... Non. De la natalité, t'as dit? Ouais. Oui. Ça fait baiser. Dans les avions, pour baiser. Voilà. Non, mais ça... Aucun rapport. Non, mais il y a une histoire d'amour dans le film. Oui, bah, comme dans tous les films. Pas dans... Viens, on fait un enfant comme ça, il conduira un avion. Ah, il y a une hausse des crashs d'avions. Non. Non. Parce qu'ils ont essayé de faire des... Oui, ils ont essayé de faire pareil, comme dans le film. Les pilotes de ligne qui font aller une vrille. Oh, c'est une erreur. Ah, je le fais. Ah, c'est une erreur. Je suis Ashman ou quoi, allez. C'est dark comme info? Non, pas, non, non. Enfin, non, donc c'est pas des inscrits à l'armée de l'air. Donc j'en dis... Ah, ouais. Si, c'est ça. Ah, si, si, tu l'as dit. Bah, j'ai dit ça au tout début, mais c'est pas grave. Ah bon? Oui, oui. J'allais dire comme McFly avec Non, mais écoute. Ah, pendant que je disais. Oui, c'est ça. Ah, pardon. Ah ouais. Non, t'inquiète. C'est les Marines qui ont vu leur recrutement augmenter de 500%. Incroyable. 500? 500. C'est plus que 400. Bah, c'est ça. Ah, c'est oui. Moins que 1000, mais enfin, c'est énorme. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. 10 personnes, du coup, là. Ouah, tu rigoles, beaucoup plus. C'est tout américain. Dans la plus grande tradition du podcast, ça m'inspire une question. Est-ce que vous. Il y a des films qui vous ont donné envie d'exercer une profession. Moi, je sais que, par exemple, Indiana Jones, quand j'étais petit, je me suis dit, putain, je veux être archéologue, sachant que ça n'a rien à voir avec ce qui... Il n'est pas du tout archéologue, il est aventurier. Bien sûr. Donc, voilà, mais... Et ne confonds pas avec paléontologue, sinon tu vas avoir des sales commentaires sur oh là YouTube. Là, attention. On avait fait une vidéo sur Jurassic Park, et on disait, il y a les archéologues. Et donc là, paléontologue. Attention, là, les mecs les plus cool de France ont commenté. il n'est pas archéologue, il est paléontologue. Ils sont bon, nuls quand même. Non, voilà. Ça va. Des casse-couilles. Non, si, ouais, moi j'ai, oui, moi j'ai funny people un peu à une époque où j'ai cru que je pouvais faire du stand-up et bah non, pas du tout. Mais on écrit, c'était cool. Et souvent je repense à. Oui, quand même, t'en écris et t'en as fait au Bataclan. Fait vite fait, un ouais. Immense succès auprès de gens qui ne te connaissaient même pas. Donc. C'est vrai, ouais, non, c'est vrai, je les ai chopés. Si demain tu te lances, tu cartonnes. Non, pas du tout. Bah tu peux tout faire en fait. C'est pas parce que maintenant t'es un putain de vioc. Je suis PTF, je peux tout faire. C'est une expression que je lance. Vous êtes PTF. Ah ouais, tu peux tout faire. J'ai beau être optimiste, j'y crois pas une seconde. Alors nous, sur le tournage sur lequel on revient, on veut lancer l'expression « ça envoie du sax ». Pour dire ça, c'est trop bien, bah, ça envoie du sax. C'est trop bien. Voilà. Donc dites-le. Bah, pour moi, on essaiera de la placer à chaque podcast un peu scrié. Ça envoie du sax à fond. Et non, ici, alors c'est pas vraiment des films, mais les bonus DVD m'ont donné envie d'être réalisateur. D'accord. Ça avait l'air trop bien les tournages. Alors, j'attendais un truc un peu moins lié au cinéma, mais c'est non, comme... mais du coup, moi, c'est ça que j'ai. Ah oui, ah, tu voulais oui. Des. Non, mais, non, mais alors, je sais pas. Moi, par exemple, je voulais être ninja. Moi, j'ai vu les tortues. Ninja, t'as voulu être tortue aussi à un moment. J'ai voulu être tortue, j'ai très vite abandonné. Non, mais... Parce que moi, j'avais 14 ans, je pense, quand le film Tortue Ninja est sorti. Et. J'ai un ami qui est toujours un ami et qui est, bon, était un peu plus mythomane que maintenant, m'avait dit que son oncle était ninja. Il avait fait une formation de ninja. Il s'appelait Nicolas Chan. Il avait fait une formation de ninja et tout. Donc je me disais, putain, mais je peux être ninja donc. Très vite déchanté. Mais, putain, voilà. On a les coulisses de Frank Kim un peu. Un peu. C'est un petit peu ça. Moi, je pense que les, genre, années, deuxième partie des années 90, les films avec des profilers, je voulais être profiler. Mais bien sûr. Ah, enquêter sur les tueurs. Mais moi, toujours. Hein, dès que je vois un polar, je fais, j'aurais été un excellent. Bah d'ailleurs, inspecteur. T'as retrouvé Xavier Dupont-Ligonnès, on peut le dire. D'ailleurs, il va venir. Ouais. Il n'y a pas un micro libre pour rien. C'est Xav de Ligue qui va venir. Très bonne expression à lancer aussi. Moi, j'ai un bon souvenir de Yamakasi, où je me rappelle sortir de la salle et sauter sur des bancs, quoi, comme tout le monde en sortant de Yamakasi. Comme Manon Bril. C'est vrai. C'est vrai, Manon Bril fait du Yamakasi, bien sûr. Et non, parce que moi je l'ai croisée littéralement. Voilà. Elle habite pas loin de mon ancien appart. Elle était en haut d'un lampadaire en disant bah, je suis là. Non. Bah, descends, qu'est-ce que tu fous? Beaucoup moins impressionnant, elle était en train de sauter sur des espèces de petits plots en béton. Oui, elle fait du parcours. Ouais. C'est ça, et du coup, je me suis dit, bon, s'il y a un eye contact, on discute, mais sinon je ne lui dis pas, hey, salut, parce que je me suis dit, elle n'a peut-être pas envie d'être dérangée. Pendant qu'elle fait ça, donc bien sûr. Je dis, je laisse le destin. Et tu n'as pas dérangé du coup ? Non, du coup, elle m'a pas vu et j'ai continué mon chemin. C'est incroyable que tu dises ça parce que cet après-midi, j'ai croisé Yacine Bellous qui était avec ses écouteurs et on allait se croiser et je me suis dit la même chose, je vais pas lui faire enlever ses écouteurs et tout. Si nos regards se croisent, c'est bien et nos regards ne se sont pas croisés non plus. On est deux personnes délicates et voilà. C'est pas pour rien. Ou alors peut-être que les deux nous ont vus et font les bâtards, ils nous ont ignorés. Ah bon, tu ne le savais pas. Mais moi, le problème, c'est que j'ai toujours voulu... Enfin, c'est mes 30 ans, je parle de ma vie. Hey, attends, moi, rigoles. J'ai toujours voulu faire du cinéma. Mais mon papa, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps... Est parce... un gangster. le mien. Oui, le papa à toi. Oui, ouais, ouais. Non, non, pas le mien. Non, non, il fait partie du ministère. Attends, un peu... Pas acide. C'est pas acide, non. C'est plus âpre. Un peu âpre, ouais. Non, hein, c'est... Aigre douce. Pas doux, en tout cas. Pas doux. Non, ouais, t'es pas loin. Amer, il est du ministère amer. Il est assez haut placé dans le ministère amer. D'accord. Non, mais tout ça pour dire qu'il m'avait, il nous a rappelé, il était dans les anecdotes de la vie. Et il a rappé aussi. Il a rappé un petit peu. Non, il a fait un peu de mix et après il a rappé. Avant son groupe de reggae. Bien sûr. Ouais. Moi j'avais complètement oublié évidemment, mais il m'a dit qu'apparemment quand je suis sorti. De peut-être mon père est potentiellement un mythomane hein, mais quand je suis sorti de Star Wars l'Empire contre-attaque remasterisé, apparemment j'aurais dit à mon père c'est ça nul, c'est ça que je veux faire. Genre vraiment j'avais compris que je voulais faire des films. Bah, mais genre j'avais tu voulais être un Jedi, je pense. Ouais, oui, peut-être. C'est ça. Peut-être c'est ça effectivement. Oui. Bah du coup Jedi, super. Mais cela dit quand j'ai vu Die Hard, j'ai eu une passion jouer en débardeur avec un pistolet. Genre, je jouais que à John McClane. Tu voulais être John McClane. Ouais, je jouais à être John McClane. Non, mais je voulais pas l'être. Je savais que c'était pas possible. Mais je jouais à être George McClane. George Michael. Le pas si compris le film. Le débardeur blanc. Ouais, c'est vrai, remarque. Et en fait, ça me rendait fou parce que j'avais des pistolets avec un bout orange. Et ça me rendait dingue. Le minable. Oui, putain. Moi, je l'ai coupé, moi. C'est dur à faire. Tu mets un petit coup de pinceau, putain. C'est vrai, putain. Il a pas pensé. Bien sûr. Il est plus intelligent. Ouais, moi, je l'ai pété en deux. J'ai voulu l'enlever, je l'ai pété en deux. Moi, j'avais vu Forrest Gump et juste après j'ai été victime toute ma vie quoi. Ça faisait ça. Ouais, j'étais grosse vicose quoi. Et donc tu as dû tous les mauvais côtés de parce qu'en fait c'est pas du tout une victime. Forrest Gump en plus il a une vie de ouf. Mais parce que tu courais pas. C'est à ça que ça joue hein. Ça n'a peut-être rien à voir avec le film. Ouais, Forrest Gump il court pas, sa vie est atroce. Vraiment il a juste la chance de courir. Écoute Florian. Wow. Ça c'est très dur. Bien sûr. Dis Florian Zeller. C'est moi. Cinoche, Bourgogne ou métal? Un peu de métal, ça fait longtemps. Allez. Ça va être très long parce que j'ai quasiment rien préparé d'autre à part ça. Mais bah, on passe c'est un très bon bien, moment. On passe plutôt. C'est un autre podcast, ça. Ah oui, c'est vrai, ça. Métal. La petite ville de Joensuu, en bien Finlande, sûr, bien sûr. A organisé Samsung, en Finlande, a organisé un concours lié au métal. En quoi consiste ce le ce plus concours? Beau cri guttural? Non. Mm-hmm. Si. C'est ça. C'est le plus beau cri guttural. Ouais. Ah, merci. Bravo, putain. Et, tu sais que c'est ton anniversaire, il suffit que tu décides que c'est la bonne réponse. Et c'est non, mais je déciderai de gagner à la fin. D'accord. Je dirais c'est moi qui ai le plus de points. C'est ça. Je suis d'accord. Le plus. Bon, pas le air guitare? Non. Non. Le airband peut-être? Non, okay. Mais c'est une prestation sur scène. Mais okay. Jouer un morceau très longtemps? Non, c'est pas. C'est pas faire de la musique, le principe du truc. Bah, quel rapport avec le métal? Ah, si, peut-être. Le concours de headbanging? De non, secouer la tête? Headbanging. Banging, c'est vrai. Non, sauf si tu décides que c'est headbanging. Non, c'est headbanging, comme ça tu le touches plus... avec ton pénis le bout de ta tête. D'accord, ah oui, parce que tu bandes. Oui, voilà. Le plus long slam? Non. Tu reviens au slam, hein. En vrai, ça a très peu de rapport avec le métal, bon. Sauf que... si c'est le cinéma, ça me rend fou. Non, non, mais... Bon, le concours de la personne la plus fidèle, peut-être, parce qu'on sait qu'ils sont très fidèles. En vrai, je vous dis, le concours n'a a priori rien à voir avec le métal, bon. Sauf que du coup, tu le fais sur du métal. Pendant ah, qu'un de la quoi. Danse classique sur non, métal. Un concours de c'est hot dog. Très farfelu, non. Ah, c'est farfelu. Faire des pompes. Non, c'est imaginer une activité la plus éloignée de la folie du métal. Faire du sudoku? Non, mais on... À jouer aux échecs? Non, mais on est dans ce level de délire. La marelle? Non, ah oui. Non, on est... Non. Un coloriage? Faire des coloriages? Le livre non, de vacances de TPMP? Non, t'étais plus proche en termes de avec type le de personnes qui font ça avec ceux d'avant. Ils jouent au bridge? Ce sont des non, vieux mais un on peu est... du tricot. Oh, bien joué. Il est fort, le man. Ah là là. C'est un concours de tricot. Putain. C'est presque humiliant pour en nous. En dansant sur du métal. C'est génial. Il y avait des gens de tous les pays, quand même. Mais qui pas sont beaucoup, venus. Quand même. Il y a quand même pas mal. J'ai pas noté tous les pays, mais ce sont en tout cas les Japonais qui ont gagné avec une prestation bien mettant sûr, en scène ouais. des lutteurs sumo et un tricoteur vêtu d'un kimono japonais. Bon. Voilà, une sorte d'Eurovision nulle. Mais vraiment. Pas d'Eurovision, quoi. Oui, voilà. Mais où ils ont pris deux trucs qui n'ont rien à voir, puis ils ont dit oh, marrant. C'est un délire, je crois. Mais c'est farfelu, match. Effectivement. C'est farfelu. Match, le truc. Ouais. C'est vrai que le mot était juste, farfelu. On pourrait pas mieux le définir. Ouais, franchement, non, c'est farfelu, ouais. As fuck. Je propose de repasser dans le cinoche. Ah, je te suis. Ah, allez. Samuel L. Jackson. Je vais me chercher un Pepsi, mais je t'écoute, je suis là-bas. Non, tu on t'attend. Ok, est-ce que j'aurais bien aussi la même chose en max? Du coup, 3 en fait. Tu peux avoir les chips, viteuf. Ouais, et est-ce qu'on peut les éloigner de moi? Parce que j'arrête pas d'y toucher. C'est vrai que moi aussi. Ramène par là. Samuel L. Jackson a exigé quelque chose concernant le film Des serpents dans l'avion. Quoi? Un bateau à la place de l'avion. Il a pas eu, non, mais il a argent, il a fait non, bon c'est okay. Quelque chose qu'il a obtenu, ce qu'il voulait. Alors je sais qu'il a demandé, je donne un petit trivia qui est lié à Samuel Jackson. Mais c'est peut-être ça hein, la réponse. Non, parce que c'est pas par rapport à Des serpents dans l'avion, c'est par rapport à Star Wars. Rien à voir. Il a pu garder, il a pu garder son sabre laser et il a fait graver sur le sabre Bad Motherfucker. Oh là là, ah, mais film, stylé. Fiction, mais non, mais il me fiction. Semble qu'il a voulu négocier aussi pour avoir une la couleur, le violet. Le violet. Il y a même des images vidéo. Ouais. De Samuel Jackson qui négocie auprès de George Lucas. Exactement. C'est vrai, je qui est fou allié depuis, je le sais depuis que j'ai écouté le livre audio de Seth Rogen. Bien sûr. Parce que George Lucas croyait vraiment à la fin du monde. C'est 2012, c'est ça? Il y croyait dur comme fer, George Lucas. Il avait son bunker, tout. Il disait, bah, vous savez que c'est la fin du monde. C'est Seth Rogen qui raconte ça, ouais. Et il tente des vannes, il fait, ah bah alors tant mieux que vous soyez, que vous habitiez au milieu des États-Unis. Tu crois que c'est au hasard? Ouais. Ok. Il raconte Spielberg qui à la fin revient parce qu'il en fait il était dans la pièce, il se barre, il revient quand il fait ah il vous a parlé de la fin du monde. Ouais. Genre, un peu en s'excusant du pote geek un peu bizarre. Ouais, il est comme ça, désolé. Mais il est sympa, hein. Il est cool. Fou. Samuel Jackson. Samuel L. Il a dit non, ça vous le faites. Ah, il voulait de la Red Bull dans sa loge. Non. Il voulait que le film s'appelle Des serpents dans l'avion. Incroyable, c'est ça. Ouais, ça m'a dit que. T'avais déjà entendu. Je crois que j'en ai entendu parler. En gros, le truc, c'est que Des serpents dans l'avion, c'était le titre de travail. Ouais. Parce qu'il disait, bon, c'est quoi, c'est un film qui parle de serpents dans l'avion. Bon, on va l'appeler Des serpents dans l'avion, on trouvera un la autre mort sur des airs après, ou un truc comme ça. Les mecs, donc, il a dit oui pour le rôle. Les mecs lui ont dit, bon, le titre va changer. Il a dit, ah non. Vous gardez ce titre parce que moi, c'est la raison pour laquelle j'ai dit oui. C'est une condition sine qua non, mais c'est trop bizarre. Bah, en même temps, c'est fou. Ouais. Non, bah, après, c'était pas sine. Enfin, je sais pas si c'était sine qua non, parce que je pense que c'était après le. Je parle latin, c'est pour ça. Oui, bah, bravo. Non, mais je l'ai placé. J'étais hyper impressionné. Non, mais je crois que c'est après qu'il a tourné le film. Je crois que c'est après qu'il a tourné le film. Les mecs lui ont dit bon le titre va changer, il a dit ah non vous changez pas le titre, ouais. Moi c'est la seule raison pour laquelle je dis oui. En fait ça met le second degré du truc, alors que si c'est un titre qui se prend au sérieux c'est... Mais vous savez que faux, historiquement dans le monde du cinéma Des serpents dans l'avion est considéré comme un des premiers films un peu justement conscient de ça, de comme genre... les Sharknado, les trucs comme ça, tu oui veux dire et puis même, ah ouais. Même l'humour Marvel, tu sais, de par exemple mettre un super héros et de dire oh oui d'accord il se transforme en bonhomme vert, tu sais, souvent ouais. Marvel ils ont une espèce d'humour où ils ont conscience d'eux-mêmes, genre ah donc, l'humour geek, moi j'adore non mais tu sais Gardiens de la Galaxie c'est que ça, genre je vais faire équipe avec un raton laveur et machin, tu sais, genre On appelle ça du lamp shading, c'est de dire je pas vraiment... c'est pas vraiment ça lamp shading. Mais... non mais le lamp shading c'est de surligner des incohérences de scénario. Erreur, ouais, voilà. Mais vu que tu les surlignes, ça passe. Tu vois, voilà. Genre vous êtes en train de me dire qu'il y a tous les méchants de la terre qui sont comme ça. Et donc du coup, ouais, bah, il peut y avoir tous les méchants de la terre parce que tu l'as dit. Bref, et Des Serpents dans l'avion, c'est un des premiers. Enfin, ça a été l'instigateur de cette espèce de mode, puisque même ça a été un des premiers mèmes d'Internet, puisque c'était j'en ai marre de ces motherfucking snakes dans ce motherfucking plane, ouais, qui tournait à fond sur Internet, c'est et vrai. A fait c'est un buzz hein, pour moi à l'époque. Bah et tu ramènes tout au même et j'adore ça. J'adore ça. C'est mon anniversaire, mais je sais être généreux. Voilà. Alors toujours un petit mème. On retourne en Bourgogne. J'enlève mes pompes, mais enlève tout ce que tu veux, vraiment. On retourne en Bourgogne, justement. Ta terre natale, hein, je le rappelle. Et que j'aime de tout mon cœur. Ne savent pas forcément. J'y reviens, écoutez, c'est ça la vieillesse. J'y reviens d'année en année. Tu viens de Bourgogne et par tous les chemins tu y reviens. Un chemin assez simple. Voilà, l'autoroute du soleil, puis tu sors à Autun, quoi. Avant le soleil. Avant d'arriver au sud, justement. Ça, on dirait le sud, d'ailleurs. Voilà. Ouais. C'est ça, je te porte bien. En juin dernier... Une femme s'est baignée dans la fontaine de la place de la République à Dijon, que tu connais par cœur, j'imagine. Les binouzes que j'ai vus là-bas. Voilà, il y a la place de la République, il y a une fontaine, il y a une dame qui s'est baignée dedans, mais elle a fait autre chose pendant sa baignade. Elle s'est doigtée. Quoi? Non, non bah, je le tente. Ça. Non, mais c'est des jets très puissants. Elle ne s'est pas doigtée. Ok. On sort tout. Elle a chié tout ça, non? Non. On sort tout. On sort tout. Non, elle a dégueulé. Ouais. Elle a sorti tout, elle. Mais. Elle s'est foutue à poil. Non. Non. Elle a pissé. Non. Elle a sorti tout. Tiens, elle a pris une vraie douche, genre du savon. Non. Bah, okay. Elle était pas nue. Elle était. Je préfère. Dans la tête, c'est mieux. Elle était totalement à poil. Et elle était amoureuse de Florent. Et grave bonne, dit l'article. Non, elle était habillée, normal, mais. Mais voilà, elle a tout fait autre chose en se baignant. Ouais. Là, peut-être ça va vous induire en erreur. Elle a rempli sa gourde. Elle était en mode gourde d'ailleurs, peut-être. Elle était. L'histoire ne le dit pas, mais. J'ose espérer. Elle était. Tatata. Elle était maquillée comme une star de ciné. Oh là là, incroyable. On est chips. Non, mais arrête, c'est ce que t'as dans la bouche. Elle a fait un water polo. Elle a, je vais vous dire, elle a déversé. Elle a. Oui, déversé. Elle a fait sa vaisselle ? Non, elle a déversé quelque chose dans la fontaine. Non, j'allais dire un enfant qu'elle aimait peu, mais non. Ouais, quelque chose en grande quantité. Un liquide. Un truc dangereux, ouais. Non, pas dangereux. Du savon moussant. Non. Du sel. Non. Pour faire comme si c'était la mer. Non, ça pourrait. De la soupe. Pas de la soupe. Ah, du sirop de menthe. Comment? Du sirop de menthe. Non, c'est pas quelque chose qui se mange. Ah. Qui se boit? Alors j'ai un petit doute, idiot. Le gazpacho, ça se mange, ça se boit. Aïe. Non, mais il y a deux pas écoles. Chose, c'est pas un aliment. Un collège, un lycée. C'est quelque chose qu'on peut mettre dans une fontaine, mais pas en aussi grande quantité, quoi. Ah, elle a reversé énormément de pièces. Alors, pas des pièces. Des billets. Des bitcoins. Des billets. Elle a jeté. Non, mais elle a jeté. Et quand je dis en grande quantité, c'est... 44 770 euros. Oui, allez. Bon, allez. Une question, était-elle riche? Était-elle riche et surtout, était-elle saine d'esprit? Probablement pas. Pour la, 44 la 000 Voilà, elle s'est baignée, elle a acheté des billets et les flics ont repêché 44 770 euros dans la fontaine. Et il y avait forcément 50 000. Et ils ont regardé 6 000. Là, les gens commencent à éteindre le podcast. Les gens se régalent parce que ils adorent. D'ailleurs, le mot bromance, peut-on arrêter avec ça? Amitié, le mot est amitié. Voilà. Pourquoi vouloir rendre viril ce truc? C'est amitié. C'est l'amitié. Il n'y a pas besoin de masculiniser ce truc, c'est nul. Bah, tu vas si woke. Non, mais c'est nul. C'est nul. Mais c'est même pas une question de woke, c'est beauf. C'est juste beauf. T'es un exemple pour nous tous. Okay. Ça, je veux bien. Ni plus ni moins. Voilà, merci. Merci en fait. Grâce à Théo, parce qu'on va repasser dans le ciné, donc je me dis, un gars, un mec, c'est toi, t'es réal. Puis là, y a Théo, mon frère, d'ailleurs, le dire aux gens. Théo, ton frère. Ça fait pas, mon frère de sang. Qui a recueilli un témoignage d'une personne avec qui tu as travaillé. Bon, je te le dis comme je le pense, c'est une personne qui est à roulette. Une personne à roulette. Un objet à roulette. Je vois très bien. Ah. Qu'on peut traîner derrière soi, dans lequel on stocke des objets. Ah, oui. Une petite valise. Oui, non, j'ai l'impression que c'est ça. Dis-le, dis-le en fait. Me laisse pas en carafe, dis-le. Qui a un petit message à t'adresser. Et comme, je vais le mettre avec mon téléphone, puis après on mettra le message en meilleure qualité. C'est parti, je le découvre en même temps que toi. Flaubert, Florent Bernard, Flobiche, Flaubert Salé, non. Personne n'a jamais appelé comme ça. Bon, Flaubert, c'est quoi? Flaubert, c'était un aventurier, voilà. J'en parle comme s'il était mort, c'est bien qu'il est pas mort. Hein. C'était quoi? C'était tous les matins, à 6 du, au petit troquet de Saint-Laz, on se prenait un petit café noir, voilà. Et le Saint-Pourliche, à la bonne dame du vin, tous les matins. Parce que son larfeuille, il était généreux comme son cœur, Flaubert. Voilà, pour moi, c'est ça, Flaubert. Flaubert, c'est 5 heures du matin, complètement bourré, à jouer du biniou avec les tabourets du bar, pendant que Lucien se faisait sucer au piano. Ça, c'est Flaubert. Voilà. C'est une baston. Une baston qui éclate parce qu'un gars parle mal de sa mère, il sort une chaîne de vélo, c'est un bain de sang derrière l'église Saint-Sulpice. Non, Flaubert, c'est. J'ai dit, c'est un aventurier, c'est mille vies, c'est mille anecdotes, c'est une bibliothèque pour raconter tout ce que j'ai vécu avec Flaubert. Voilà, petit message de Valentin Vincent. Je l'ai eu par texto aujourd'hui, la valise. Oh là là. Très gentiment. Je l'adore. Bah voilà, on est là, la petite valise qui est. Voilà, donc je remercie Théo qui a recueilli ce message audio. Putain, voilà, merci. Parce que toi, tu le connais pas, Valentin, en plus. Jamais. on s'est perdu de vue totalement. Quoi. Je l'ai rayé de ma vie, voilà. pas du tout, je l'adore également. Et d'ailleurs, espérons qu'on les revoit. Bah, on les revoit venu, ouais, je crois que c'est un des plus invités du Floodcast, Valentin. Bien sûr. Non, mais après, je parlais dans la vie, tu vois. Il est très dispo. Un texto, il répond assez vite. Alors, du coup, on va au finance. Alors, les voyages, les virages qu'on prend. Une pétition, un peu, voilà, pas une vraie pétition, a reçu le soutien de Macaulay Culkin. Laquelle, à votre avis? En rapport avec Kaamelott? Non, pas du tout, pas du tout. En rapport avec Michael Jackson, ce serait incroyable. Non. Non, okay. Non, je demande. Pardon? C'est pas moi, toujours. C'est okay, pas moi. Okay, non, c'est une étoile. Pour une pétition pour enlever la garde de son personnage, j'ai oublié son nom, à la mère. Kevin McAllister. Non. Pour virer Trump du film. C'est ça. Oh, oh là là. C'est magnifique. Alors C'est pas une vraie pétition, oui. C'est juste quelqu'un qui a tweeté faisons une pétition pour remplacer Trump par Macaulay Culkin maintenant. Ah, oh, c'est génial. Il y a 40 ans. C'est génial. Et Macaulay Culkin a répondu go si c'est très bien payé, il a dit. Il adore, hélas, le pognon. Et, et pour info, Trump a été, pendant une diffusion canadienne à la télévision de Maman, j'ai raté l'avion 2, Trump a été coupé au montage. Oh! Et Trump a réagi, le fils de Trump a réagi une sur guerre, Twitter. Une guerre en disant, au Canada. Et la chaîne a dit non, ça n'a rien à voir avec sa présidence, puisque c'est. Ça a été fait lors de l'acquisition en 2014, quand c'est assez courant qu'il tronque quelques parties des films pour les rendre plus courts pour la télévision. Ah ouais, d'accord. Attends, oh. ça, non, c'est non. Comme les vaccins, ça. Non, ils disent d'ailleurs, il y a d'autres scènes du film qui ont été enlevées qui n'ont rien à voir avec Trump. Ouais, mais, la fin, en l'occurrence. Pour qui? Les 25 dernières minutes. Non, mais apparemment, c'est assez courant que, en tout cas à la télévision canadienne. Hein. Mais alors, pas que, parce que je me souviens encore récemment. TF1 avait coupé les scènes les plus violentes de Django Unchained. Bah ouais. Voilà. Mais c'est, ouais. Et ils accélèrent, je crois, aussi les films. Genre, non, mais c'est vrai. Alors, Harry Potter qui dure 2h40. Ah, ils mettent en 1,05. C'est à peine visible. Wow. Mais les fans d'Harry Potter qui l'ont vu plusieurs fois disent bah, c'est fou, c'est en accéléré. Ah, putain, parce que comme ça, plus de pubs, plus de pognon. Bah tiens, on est des vaches. Et allez, et le pass sanitaire, enfin bon, je vous en parle. Ouais, voilà. Me lancez pas là-dessus, hein, parce que là. Eh bah, ben écoutez. Passe, le pass sanitaire, c'est une chanson de rap on qu'on va sortir. C'est sur l'air de Passe-Passe le Ouinge. Ouais, bah, mais c'est Passe-Passe sanitaire. C'est une petite OP que je fais à la rentrée. Il y a du monde sur. La queue pour aller au Cinoche. Non, faut une rime en R quand même. Pour aller voir un petit film, exemple. J'ai rien. Kaamelott, c'est un premier volet. Alors. On retourne sur le métal et c'est la dernière. Ok. De c'est tout le quiz ou c'est la dernière de métal? C'est la dernière de tout le quiz. Oh lolo. Oh lolo. Ouloulou d'ailleurs, je vous le dis. Ouloulou. Mais, c'est vrai, oui. Ouais. Un grec fan de métal. Le sandwich ou un humain? Un humain. un grec fan de métal. À l'instar de Michel Sardou, hein, on bien le rappelle, sûr, bah. Qui est fou de métal. C'est fabriqué une guitare assez spéciale, à votre avis. Qu'est-ce qu'elle est, quelle est okay, pardon, j'ai pas écouté au début. Quel est son métier? Ce grec. Ah, un grec. Alors, je précise, ça n'a rien à voir avec sa nationalité, non, non, déjà. Oui, donc, c'est pas, j'ai dit Shirtaki. Non. Voilà. Hein, oh, déjà, j'ai fait une guitare. C'est un sandwich. Non. Bon. C'est un peuple, en fait. Qui a beaucoup souffert. C'est là. J'ai fait une guitare en Nikos Aliagas. Non, monsieur. Elle n'est pas en fleta. Je l'aurais faite, je te le dis, je l'aurais faite. Ouais, voilà. Donc, une guitare, il s'est fabriqué une guitare assez spéciale, et à votre avis, quelle est la particularité d'une guitare? Ah, c'est au niveau des cordes, je pense. Non. C'est d'ailleurs même tout sauf les cordes. C'est la forme, c'est la forme du manche. Non. Alors, il reste plus grand-chose. La hanse? La hanse, je pense que ça n'existe, ce n'est pas une pièce de la guitare. Le truc qui tient au cou. Ah, le... La hanse. Non, pas du tout. Non, ce n'est pas la hanse. Ça comment, Théo, qui fait de la guitare? La... Putain. Non, le truc, la... Enfin, pas la corde. La sangle. La sangle. La sangle. Ouais, c'est la hanse. Ouais. Ouais. Sangline qui Berlin, d'ailleurs. Sangline qui Berlin. Joli. Tu joues de mots. Non, mais il est bien. Oui, bien sûr. Il est en... Bon, regarde la réponse sur Internet. Non, je tape hanse. Incroyable. Non, mais il est très optimiste. Très mauvais perdant. Ouais. Et je sais pas écrire le mot hanse, visiblement. Eh ben, je suis désolé, mais quand je tape hanse guitare, on me met... Une sangle. Ouais, on met des hanse. On me met, voulez-vous dire sangle? Et quand je tape Hans Zimmer, on me met... on me met un compositeur allemand. Incroyable, quand même. Dans la définition, il y a vraiment... Sangle et courroie. Bon. Allez, terminé. Allez. Alors. Julia du courroie. Non, oui, c'est bon. Ah, Palme d'or. Alors, à votre avis, voilà. T'es en ronronner ou je rêve? Ah, oui. Petit chat, là. Je le caresse sous la table. Ah, oui. Alors, donc, c'est le matériau utilisé? C'est absolument le matériau utilisé. En osier? Non. En mousse? À la manière d'un petit bonhomme, par exemple? Non. C'est très métal. En éponge? C'est très métal. En acier? En gobelet en plastique? En une guitare de métal en métal? Non. D'accord. Ce qui serait pas ouf. Non, mais ça sonne bien. Oui, oui. C'est décevant la réponse? Non. En flamme? Non. Et du coup, tu ne peux pas en jouer, malheureusement. Est-ce que c'est palpable? Enfin, on peut le toucher? Oui. Ouais. Bah, sinon, c'est impossible. C'est fort juste. En picot? Non. Il y a des petits pics de partout. Est-ce que si on se frotte le visage dessus, c'est agréable ou désagréable? Je dirais que c'est plutôt désagréable. Ah. Un flingue? Non. Non, mais... Des couteaux? En poudre? Non. Ah, des couteaux, c'était malin. Que non. Des couteaux collés? Non, joli, mais non. Ouais. Ah, joli. T'as vu, t'as les conseils d'un coup. Que des couteaux collés? Des grilles de festival. T'es Big Flo de Big Flo. Des grilles de festival. Excuse-moi, pardon, mais il parle vraiment. Rodi. Les grilles de festival. Eh ben, pas du tout. Putain. Le plastoc des toilettes de festival. Très métal, cela dit. Ouais, ouais, ouais. Des fils barbelés. Non. Mais des fils barnés. On voit que t'es fan de métal parce que t'as chopé l'esprit tout de suite. L'esprit du je métal. Je reste un énorme nounours. Hein, je vous le dis. Ouais, bien sûr. Bien sûr. En ceinture cloutée. Non. Tu veux dire la sangle? Pensez aux les différents types de métal. En cuir? Non. En cuivre? La musique, le métal, je parle. Ah. Oui. Oui, mais il y a le cuir, il y a un truc. Voilà, les métalleux. Le type de métal le plus connu. En hard? Non. Le heavy metal? En thrash? Non, alors, peut-être pas le plus connu. Ouais. Le quatrième en plus punk, connu. Ça ne veut rien dire, je dis juste des types. Non, mais... Le death metal? En crâne humain. Ah non. Ah, allez, je te l'accorde. Ah, en os. En os. Alors, pas n'importe quel os, pas n'importe quel squelette, celui de son oncle. Oh. Bon, allez. Ah, pardon, mais c'est j'ai envie de lever mon index et mon auriculaire. Ah, bah c'est métal ou pas? Ouais, c'est très métal. Très métal. Très rock. Comme petit projet. Ouais. Non, c'est vrai que si tu m'avais dit c'est Vianney qui a fait ça, petite surprise. Donc, ouais, déjà, il fait du show en longueur, c'était déjà étonnant. Mais là. On cesse d'être surpris. Très morbide, Vianney. Chez les scouts, apparemment. C'est un fan de métal qui joue de la guitare du coup et qui se fait appeler Prince Midnight et original pour le son coup. Oncle qui apparemment était un déglingos dans la vie avait fait don de son corps à une école de médecine et ils l'ont pas écouté du coup plusieurs, non, ils ont fait une guitare, ils ont dit écoutez votre dernière volonté c'est non. Plusieurs années après le corps a été rendu à la famille et donc sympa déjà. Le neveu a dit bah je vais en faire une guitare ce qu'il a toujours voulu et il a dit il aurait adoré. Il aurait adoré ça. C'est non. Qu'est-ce qu'on sait? De toute façon, 100% des gens qui disent il aurait adoré, on peut pas jamais savoir quoi. Oui, c'est vraiment, ça. Donc, c'est oui. Moi perso, j'adore le métal. Un peu déçu si je devais une guitare. À la fin. Mais je sais même pas si son oncle aimait le métal, mais je pense. Est-ce qu'il joue bien déjà de la guitare? Bah, j'espère. C'est ouais. C'est l'a pas tué pour faire la guitare. Non. Non, bah, c'est parce qu'il a attendu quand même plusieurs années avant de. Sinon, il serait littéralement en prison. Oui, voilà. Si ça se savait, en tout cas. Écoute, pour meurtre. On arrive à la fin de ce... Alors j'ai un autre jeu. Ok. Que j'ai déjà fait sur Twitch, mais je pense que tu n'étais pas là. Donc d'accord. Tu peux y... Pff, ça recycle, ça me déçoit. Oui, oh. Bah, je déménage, j'ai des tournages. Je oui. traverse une période difficile. J'ai pris beaucoup de trains, j'ai très peu dormi. C'est déjà pas mal. Là, ce que je viens de faire, c'est déjà énorme. Oui, non, mais c'est génial. Merci d'ailleurs d'avoir préparé. Mais merci beaucoup. Bah, écoutez, bah, avec grand plaisir. Ça fait une vraiment. Éternité qu'on n'a pas fait de podcast et ça fait trop plaisir d'en refaire. Adrien, tu es superbe. Ouais. Merci beaucoup. Après, c'est moi le host, doucement. C'est toi. Non, pas aujourd'hui. Oui, c'est vrai, pas aujourd'hui. Tu es l'invité d'honneur et le petit prince. Et les gens le sentent, c'est pour ça qu'il faut que je présente, parce que là, je fais que des blagues horribles. Mais non, pas du tout. Mais de toute façon, elles seront toutes. Toutes coupées. Ouais. Ouais. Sauf cette phrase, et du coup, ce sera incompréhensible. Non, alors. Il faut savoir que moi aussi, j'ai essayé d'avoir des messages de gens importants okay. pour toi, de mon côté. D'accord. Heureusement, encore une fois, Théo m'a sauvé la mise. J'ai eu un petit message de ton père. Mais non. Si, si. Non, mais c'est. Rastafari Babylon, ESI, maximum positive vibration. J'ai jardiné et j'ai bien progrès. Parce que je suis ton père, man. Man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man. Il a eu la gentillesse d'adresser un petit message à son fils. Ah, mais je reconnais tout. Putain. Je suis en âge. Très bien. Voilà. Bah, merci, putain. En plus, si c'est quelqu'un de pudique. Ouais, ouais. Là, qui passe ça, on a fait plusieurs prises. Hein. Ah ouais, c'est pas n'importe on quoi. On a fait plusieurs prises. C'était plus timide au début. Et je lui ai dit, non, mais lâche-toi, man. Et là, bah, c'est vrai que c'est quand tu lui as dit, man, ça a débloqué un truc. Et encore, il a fait un solo de DJ qu'on n'a pas pu écouter, mais. Voilà, voilà. Ah la vache. Ah, bah, merci beaucoup. Non, voilà, un petit message de ton père. Ah non, ça me fait très plaisir. Alors. Est-ce que vous voulez faire un autre jeu ? Oui. Alors j'ai un jeu. Je pense que tu n'y as pas joué, Florent. Okay. Parce que ça, c'est un jeu qui il s'avère que ça mêle deux choses que tu aimes beaucoup. On rappelle que tu as été bénévole à la SPA pendant c'est vrai. Plusieurs années. C'est vrai. Tu adores le Cinoche. J'aime plutôt et ça. Et j'ai un quiz sur les films avec des chiens. Ah, j'étais pas là. Je l'ai pas vu passer. Tu l'as pas vu. Les bons dogos. Ouais. Les bons dogos et les puppers. Les petits chiens. Les petits chiens. Honnête avec vous. Ce sont sur les petits chiens. Et je vais vous. Les chevaliers du fiel. Il n'y a pas tant de fiel dans ce qu'ils disent. Ils sont assez consensuels. C'est non, vrai. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ils ne crachent pas trop sur les gens, quoi. C'est vrai. Alors, va falloir que je. Je savais même pas que c'était. Tellement c'est pas lié à ça, je disais. Non, mais une petite. Ok, j'enlève de mon stand-up. Okay. Alors, ça va être un peu compliqué pour moi de lire, mais je vais y arriver. Lié avec ton doigt. Zoom, mec. Je vais vous pitcher des films. De chiens, des films avec des chiens. Ma meuf a disparu. Voilà. Non, mais... J'ai vraiment passé c'est la journée avec vrai. Elle et elle après, est partie. Après, ça bouge, hein, Roissy, pour James Cameron. Il n'y a pas encore les hélicos taxis, là, qui vont arriver ouais, normalement. Les hélicos Uber. Ça prend du temps. Alors, je vais vous donc pitcher, je vais vous lire des pitchs de films de chiens. Okay. Beethoven. C'est ça. J'ai que celui-ci, moi, donc vraiment, si tu me piques. Et ensuite, je vais vous faire des propositions de titres. Il va falloir trouver quel est le titre du film ou alors est-ce que le film n'existe pas d'accord, réellement. Okay. D'accord. Peut-être que si ça crée peu d'enthousiasme, on écourtera ce jeu. Mais... en tout cas, premier film, un jour, le Père Noël reçoit un chien en peluche pour son anniversaire, mais le glaçon magique donne vie à l'animal. À New York, suite à un accident, le Père Noël devient amnésique. Seul, le chien décide de retrouver son maître. Ce film s'appelle-t-il La mission de Chien Noël, Elfie sauve Noël, Eternal Sunshine of the Bon Pépère, ou alors ça n'existe pas. Ah, ça peut ne pas exister, ça d'accord. Moi, je pense que ça existe. Je pense que ça existe. Oh, ça sent le Elfie, quand même. Elfie sauve Noël, ouais. La mission de Chien Noël, Eternal la mission de Chien Noël, j'ose espérer que c'est le premier quoi. Ouais, la mission de Chien Noël, le premier moi. Vous dites la mission de Chien Noël. Elfie. Mmh, ouais. Elfie sauve Noël. Je dirais plutôt Elfie. Ouais. C'est la mission de Chien Noël. Ah. Parce que je l'ai vu. De quoi? Bah le film Elfie. Du coup t'as pas dit la bonne réponse. Ça n'existe pas. Hein. C'est pas ça vraiment la mission de Chien Noël. Il était tellement sûr de la bonne réponse qu'il n'a pas entendu que tu lui as dit que c'était faux. L'aplomb quoi. Son esprit a totalement occulté. Alors, Ton esprit est mis ailleurs d'ailleurs, je crois, Léo. Totalement. Ouais. Alors, un autre film. Pardon. Un chien appelé Chocho voit son maître Shinli mourir sous ses yeux. Il se rend chez un jeune agent de police, Peter Fowler, pour découvrir qui l'a tué. À votre avis, ce film s'appelle Kung Fu Toutou. J'espère. Karaté Dog, Cro-Blanc Ceinture Noire, ou alors ça n'existe pas. Moi, je pense que ça n'existe pas. Ouais. Ah, la précision du chocho, quand même. Moi, je dirais que ça existe. Enfin, oui, mais alors, si tu penses que ça existe, faut dire le titre. Ouais, je vais encore passer pour un imbécile. Mais arrête, non, tu rigoles. Tu l'as vraiment peu fait. T'es génial depuis le début. Mais non, mais c'est vrai. Je dirais que ça n'existe pas. Ah, donc oh, tout le monde dit ça n'existe pas. Ouais. Donc tu as changé d'avis radicalement. Ouais. Ok, eh bien ça existe. Oh. Il s'agit de Karate Dog, voilà. Et oui, le film. Alors je pourrais pas vous montrer une image là, mais vraiment il y a une image du film qui est incroyable où vraiment le chien est debout sur ses pattes arrière et a une posture de karatéka. C'est pas vrai. Mais le chien fait du karaté. Est-ce que c'est comme les comptes Insta et en fait le chien est extrêmement maltraité pour arriver à alors, ça. Alors je pense que ou c'est des fixes ratés tout simplement. Je pense que ça. J'ai pas vu le film, ouais. vu la capture j'aime bien d'écran. Le ton, désolé, je vais le voir. J'ai pas vu le film. Mais vu la pose du chien, je pense qu'on est sur une sorte de marionnette quand le chien pratique le karaté. Tout simplement. Qu'est-ce que je vous dise. Ouais, enchaîne des mouvements de karaté. Voilà. Alors, sorti de prison. Il se noie à chaque fois au début. C'est sûrement l'heure de la surprise. Mais c'est quelqu'un qui sonne très longtemps là. Oui. Qu'est-ce que c'est, je vais ouvrir. C'est anxiogène. C'est anxiogène. Je te jure que je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être Jérôme. Bah c'est sûr, c'est sûr. C'est sans doute Jérôme Niel. C'est peut-être Jérôme Niel ou alors une surprise que le fantôme. Oh là là, c'est Jérôme Niel qui était sur son tournage. Eh bien écoute, prends ce micro. Il a pris 20K avec Skoda. Qui sature du coup, hein, c'est ça. C'est le micro qui sature du coup que tu vas prendre. C'était quoi exactement la réplique de fin de Fast and Furious? On dirait. On n'a pas l'impression qu'on dirait des mignons ou quoi qu'on a... Pourquoi? Ah oui, c'est ça, pardon. Pourquoi est-ce qu'on dirait... Enfin, ça m'a rendu fou. J'ai tenu la jambe une minute à Flaubert dans le ciné. Je dis, mais ils auraient pu au moins traduire, parce que c'est des Français qui disent ça. Ouais, j'ai déjà tout ils n'ont pas été foutus. Ah, ça l'a rendu furibard. Furibard. Ça lui a gâché le film. Alors, les films, Adrien. On est avec toi, les chiens. Attends, je vais peut-être, je vais peut-être pas toutes les faire parce qu'il y a beaucoup de questions. On recommence depuis le premier coup. Ouais. Fais plein de vannes d'un coup, parce que sinon t'auras pas de vannes. Alors, fonce. Beau, un chien capable de voir l'avenir, arpente les rues de New York pour empêcher les catastrophes. Mais un riche industriel est bien décidé à exploiter son talent à des fins mercantiles. Est-ce que ce film s'appelle Cours vite Beau, Beau chien de vin, toujours moins con qu'un mème d'astrologie, ou alors ça n'existe pas? Mais attends, là c'est-à-dire que c'est le chien de lui-même déjà, il sauve... Le chien qui voit l'avenir. Le chien, alors, un chien capable de voir l'avenir arpente les rues de New York pour empêcher les catastrophes. Mais un riche industriel est bien décidé à exploiter son talent à des fins mercantiles. Et le titre, est-ce qu'il s'agit de Cours vite Beau, de Beau chien de vin, toujours moins con qu'un mème d'astrologie, ou alors ça n'existe pas? Beau chien de vin. J'ai une option sur c'est beau très bien packagé, quoi. Mais j'arrive pas à imaginer les scènes de flashback du chien qui voit, de flash forward du chien qui voit l'avenir et on revient sur lui. j'y crois pas, quoi. Je pense que ça sort tout droit de ton esprit un peu étriqué. Ça n'existe pas. Yes. Ah, J'ai inventé. Ni plus ni moins. Tu as surfé sur la vague d'Axel, mais oui, c'est vrai, totalement. La quatrième vague, d'ailleurs. Ouais. Sur laquelle il est bon de surfer. Alors bon. T'as de la voix. Il est très un bon. Un politicien. Véreux. Remporte les élections. Ils le sont tous. Mais se transforme peu à peu en chien. C'est un qui cause des désagréments. Oui, je l'ai. Est-ce que ce film s'appelle un candidat au poil? Oh. Sacapus et politique. Oh, ça fait tellement toi ça. Gérald Dalmatien démission. Ou alors ça n'existe pas. C'est le premier. Et je crois même qu'il y en a deux. Il y a un vieux film, c'est un film Disney. Et un remake avec Tim Allen et Robert Downey Jr. Oh là là. Il est incroyable ce titre. C'est faux. C'est totalement ça. C'est un candidat au poil. Eh oui, wow. Exactement. Tout à fait. J'ai vu ce film. J'ai vu ce film. Et il y a une fin alternative où Robert Downey Jr. se transforme. Enfin, c'est comme dans Didier, il se prend pour un chien. Et c'est fou parce que c'est Robert Downey Jr. Et là, vraiment, il est en foufou. Il est tout en Robert foufou. Didier Jr. Hitoshi Sato est un ingénieur en biotechnologie un peu excentrique. Quand le chien de son fils meurt, il décide de le ramener à la vie en transférant sa conscience dans un corps robotique. Mais très vite, sa création va lui échapper. Est-ce que ce film s'appelle Kaito Chien Robot, Misato Roboto Inu, From Avoir des puces to Avoir des puces Real Quick, ou alors ça n'existe pas. Oh, qu'est-ce que t'aimes les mêmes, c'est fou. Alors, le deuxième, c'est quoi alors, le deuxième, c'était Misato Roboto Inu. Ou alors Kaito Chien Robot, From non, Avoir Kaito des Chien puces. Robot, tu vas pas nous le faire deux fois. Machin. Ouais. Il a une très bonne poker face là, on peut pas le deviner. Le premier est alambiqué, je trouve. Mais moi j'ai envie de pas y croire. J'ai envie de pas y croire. Moi je dis Kaito chien robot en fait. Kaito, je retombe dans robot. je suis intrigué par le fait qu'ils mettent l'accent japonais sur l'autre truc là. Pourquoi il fait ça? Je respecte les autres cultures. Oui, mais tu le fais pas sur d'autres films. Pas qu'on te connaît dans la vraie vie. Hein. Oui, c'est clair. Sur l'autre film. Quel autre film? Kaito chien robot. Kaito, bah, tu le prononces du français en fait, chien robot c'est. Non mais Kaito, tu le prononces francisé quoi. Gars, mais après c'est mes 30 ans, comment ça répond. C'est pas ça que je veux voir. Tu l'as inventé. Je l'ai inventé. Ouais. Alors, qui dit inventé? Moi je dis. Axel et moi. Inventé. Kaito chien robot. Je dis que c'est pas inventé. Mais c'est Kaito chien robot. Le premier. Kaito chien robot. Ouais. Ça n'existe pas. Quel salaud! Mais quel salaud! Non parce que vous avez pas vu, mais il m'a regardé genre. Pas bête. Bien joué. Il m'a enfoncé jusqu'au bout. Mec là tu m'as bien senti. Mais dès qu'il y a eu de la tech, du cyber. Truc, machin, ça souvent, ça vient du cerveau d'Adrien. Non, mais c'est vrai, il adore ça. Oh là, un petit village islandais vit dans la misère et ne sait plus quoi faire pour renflouer les caisses. Jusqu'au jour où le maire découvre qu'Arnold, le chien errant du village, est un champion de ski. Est-ce que ce film s'appelle Arnold, héros des neiges, Toutouchous? J'aimerais. Où lui mettons des gants et où lui mettons des chaussures de ski? Sacré casse-tête! Ou alors, ça n'existe pas. Non. Moi, je crois en la première. Non, ça n'existe pas. Moi, je pense que ça existe. Mais je comprends pas. Existe. Je comprends. Le synopsis, ça veut dire. Enfin, genre, tu peux nous le refaire? Un petit village islandais vit dans la misère et ne sait plus quoi faire pour renflouer ses caisses. Ouais. Jusqu'au jour où le maire découvre qu'Arnold, le chien errant, est un champion de ski. Eh bah, putain. Ça va régler quelques trucs en tout cas. Je comprends pas. Et le coup, non, genre, on après, est dans la misère. Oh putain, regarde ce clébard, il fait du ski. J'imagine que c'est. J'imagine que dalle. T'imagines que c'est inventé, mon petit gars. Ils exploitent son talent pour dire venez voir le chien, c'est skieur. C'est inventé. Oui, mais le chien, il a pas appris à faire du ski d'un coup. C'est un champion de ski. Non, mais pour le coup, c'est inné chez lui. Justement, je vais contre ton argument, Jérôme, parce que je pense qu'Adrien n'aurait pas laissé passer ça. Et si ça s'est passé, c'est que c'est pas inventé par Adrien. Moi, je pense qu'effectivement, ça renfloue les caisses parce qu'il laisse passer des. Genre, ils font payer un petit show, tu vois. C'est de l'exploitation animale. Oui. D'accord. Mais il n'aurait pas laissé passer non plus. J'ai pas dit que c'était des films vegan. C'est faux pour moi. Pour moi, c'est vrai, c'est la première réponse, le titre. Mais Arnold, héros des neiges. Ouais, j'ai envie d'y croire. Mais. Ouais, pareil. Genre, il y a des films islandais et sur ce curseur de. Non, ça se passe dans un village islandais, c'est pas un film islandais. Et dans un château en Espagne aussi, d'ailleurs. T'en achètes Ouais. Ouais. Et toi, Léo, toujours le dernier à répondre est très lent. Non, j'ai dit le premier aussi. Oh, autant pour moi. Il a tout donné au en début. En fait, je merde, vraiment. On vient d'enchaîner deux films qui n'étaient pas vrais. Donc je pense que celui-ci, c'est Arnold non, Chien des Neiges. Mais il nous a brain. Arnold Chien des Neiges. Arnold Chien des Neiges. Faux. C'est faux. Je l'ai inventé. Oh, bien joué. Il le connaît comme s'il l'avait pondu. Il faut savoir que. T'es surestimé, Adrien, excuse-moi. Non, mais c'est vrai, je pense. Non, mais j'ai dit que. Mais non, mais pour moi, c'était. Il faisait un spectacle. Oui, voilà. Sûr. Comme Air Bud. Bien sûr, il voilà, fait. Ils le font jouer au basket pour. Mais il y a des matchs pour le coup. Oui. Il y a des matchs. Mais non. Il y a des matchs. Non, alors il faut savoir tout de même que j'ai écrit les questions et après j'ai laissé leur dos les mélanger. Donc il peut y en avoir 4 vrais d'affilée. Puis, ah ouais. C'est pas moi qui. Ah oui. Leur dos, c'est jamais toi de toute façon. Génie. Alors. Une petite Yorkshire est kidnappée après avoir gagné une place en finale d'une compétition de chant pour chiens. Ah oui, t'avais décidément. Aidée par d'autres. On dirait que c'est que sur les chiens. Attention, aidée par d'autres chiens chanteurs, elle fera tout pour s'en sortir et remporter le concours. S'agit-il de Pup Star, Roxy Superstar, Opération Victoire, Oh. Toujours mieux que Jules, je suis trop intelligent et original, ou alors ça n'existe pas. Ah, les trois sont bizarres quand même. Ouais. Le troisième surtout. Oui, le Jules, je l'ai pas compris, moi. Ouais. Je me suis dit, ah, ça c'est inventé. Ouais. Ouais, j'ai merdé sur celui-là. Ouais. Ouais. Ça c'est sent, bon. Mec. Il est peu crédible celui-là. Moi je crois au deuxième. Non, mais il peut pas. Donc on a un chien qui chante qui va se faire aider par d'autres chiens chanteurs. Donc tu vois bien que t'as foiré. En route. C'est faux. C'est faux. Ça se peut, Jérôme. Non, mais, si eux-mêmes vont se faire aider par un prof chien chanteur. Ça se peut, Jérôme. Je connais pas les chiens aussi bien que moi. C'est vrai, si c'est vrai, je me casse. Donc ça fait un passage éclair, mais de ouf, quoi. Je suis Jérôme. Ah, moi j'ai envie d'y croire. Moi j'ai envie d'y croire. Toi, tu dis... Au pire, on m'en voudra de quoi ? D'y avoir cru ? Ben non. Ah, non. C'est en route pour la victoire. Moi, le en route pour la victoire, il y a. Pop Star, il y a Roxy Superstar, ça, c'est Opération long. Victoire. Ça, moi, j'y crois un peu. Mais Opération Victoire, j'y crois un peu. Ouais, parce que c'est nul, mais. Mais c'est pas une Opération Victoire, c'est une opération récupérer le chien. Non, oui, non, mais justement, tu n'as pas plus. Écouté le pitch du tout. Et alors ? Alors, moi, je dis Opération Victoire, elle et si c'est pas tout ça, pour s'en sortir et remporter le concours. Ah. Et gagner les défis, d'ailleurs. Non, je change pas. Ça n'existe pas, ça n'existe pas, et vous dites Roxy. Ouais, Roxy. Ça existe, mais c'est Pop Star. Oh, allez, non. Tiens donc, mais c'est récent. Salut tout le monde. Non, Jérôme, c'est bien 30 ans. C'est récent, du coup. C'est assez récent. Alors, il faut savoir, vous connaissez le film Air Bud ? Bien oui. Sûr. Voilà, donc Air Bud, pour ceux qui ne le connaissent pas, un chien qui joue au basket, donc déjà. À ouais. Partir du moment où ça existe, comment vous pouvez dire n'importe quoi ? Et surtout, il y en a eu 17. Air Bud, alors, non seulement il y a eu beaucoup de Air Bud, parce qu'après, en fait, le truc, c'est qu'il faut savoir. Que c'est devenu... Et peu de gens le disent. Non, mais Air Bud, c'est devenu une franchise. Bien sûr, ils vont dans l'espace. Qui, je sais plus comment ça s'appelle. Donc, des bières, ouais, il y a eu, oh. Je crois. Non, je non, crois elle que, me sert pas la main, là. Je crois qu'il y a eu. parce qu'il y a eu, il y a eu Air Bud et ensuite il y a eu les Air Buddies. Oui, ces enfants qui vont dans l'espace. Des justement. Bébés. Et je crois que. Et ensuite, ils ont même étendu à d'autres chiens et à d'autres animaux. Bien sûr. Et je crois qu'il y a pas moins de 14 films. Ah, de chiens, juste la franchise Air Bud. Vraie saga, d'accord. Ouais. Le 7e art. Et Pop Star. Et si tu les as pas vus, tu comprends pas Pop le film. Pop Star fait partie de la franchise. De... Ah, pas mal. Voilà. Comme quoi, on dit Marvel, on dit Marvel. Air Bud Universe. Ouais, bien sûr. Alors, cela dit, on est à 9 Fast and Furious, donc on n'est pas si loin de 14 Air Bud. Alors, seul à la maison avec des amis, Debbie s'amuse à invoquer les esprits. Non. Malheureusement. Son chien se fait posséder non. Et ah devient oui. Un démon bah avec oui. Un penchant pour le rock'n'roll. Ah, j'ai envie de dire ça. Oui. Est-ce qu'il s'agit de Toby, un chien d'enfer, Zoomer 2, opération exorcisme, il n'y a pas que des gros nounours au Hellfest, mais il y a aussi des bons chiens, ou alors ça n'existe pas. Toujours le troisième, est... ouais. Ouais, on dirait pas un titre. Je m'intrigue le troisième, ouais. Le moi. Fait que t'aies mis un 2, enfin, le fait, ouais, pour moi c'est ça, c'est Zoomer 2. Zoomer 2, opération exorcisme. Moi j'y crois pas. Un chien possédé. Ouais, pourquoi t'aurais mis un. On est sur des films pour enfants. Pourquoi t'aurais mis 2, t'aurais mis 1. Non, mais je. Non, moi j'y crois pas une seule seconde. J'y crois pas non plus. Non. Un chien possédé pour les enfants, j'y crois pas. Non, mais je te dis ce que je pense. Non, mais bien sûr, bien sûr. Non, mais t'es brut de décoffrage. Avec un penchant pour le rock'n'roll. Oui, mais n'essaie pas de me choper avec des vils manipulations. Donc tu. Ça n'existe pas. J'y crois pas non plus. Je suis daron. Jérôme, okay, j'ai grandi pas, Jérôme ne croit rien. De ouais, c'est vrai. Après, c'est vrai. Axel. Moi, c'est Air Bud 2. Toi, tu dis Zoomer 2, opération exorcisme. Ouais, aussi. Non, j'y crois pas une seconde, mais oui, quand même, je dis ça. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Ah, bien j'ai inventé. Putain, il ne fait plus. Putain, il a pensé à mettre un 2, quoi. C'est... Bah, hey, écoute, je sais pas. Il est auteur, quand même, son métier. Bien sûr, mais il est hyper fide. C'est vrai. Aussi. Alors. Un chien gourmet. Un fin gourmet. Un chien gourmet. Un fin. Un fin gourmet. Qui s'avère être un chien. Qui rêve de devenir chef cuisinier. Se lie d'amitié avec un jeune commis de cuisine maladroit. Ratatouille. Il va le guider en secret pour faire de leur duo un cuisinier hors pair. Bon. Est-ce qu'il s'agit de Cookie chien cuistot ? On ne cuisine pas que des hot dogs. Oh. Dog noir en cuisine. Ou alors ça n'existe pas. Pour moi, ça n'existe pas, sinon c'est un plagiat de Ratatouille et je vois mal des mecs faire un plagiat de Pixar où faut une. En l'occurrence, les gens le font souvent. Ouais. C'est les dessins animés pourris du et supermarché. J'y connais rien. Ça se fait surtout dans l'autre sens. Avec le Roi Léo ah oui. Qui a été plagié par Disney et qui a donné le Roi Léon. Ouais. Mais ils ont plein d'avocats, eux. Disney ouais, ouais, ils en ont combien non, 8, 9 C'est pour dire que ça peut être le Roi Léo de Ratatouille. Ah oui. Ah oui, mais oui, il faut tout prendre en compte, mon pote. Bah, c'est vrai. Ils ont maître dossier, je crois. Ça n'existe pas, parce que là, vous parlez de... Ça n'a aucun rapport, je vous le dis, ça n'existe pas. C'est Ratatouille, voilà. On ne joue plus. Là, vous parliez de je sais pas quoi. Non, je disais c'est faux, moi. C'est faux. Il y a que Jérôme Gab... Pour une fois, il a... J'ai dit c'est faux. Non, non, on était dans une petite impro pour s'amuser, mais enfin, rien de bien méchant, quoi. 15 avocats. 15. Disney, ils ont 15 avocats. Mais ils ont plus, je pense. Non, bah, si 15 ou 20. De tous les pays. Ouais. En visitant 25 un musée. 25 avocats. En visitant un musée, figure-toi, qui t'invite? C'est vrai. C'est Clara qui t'invite. C'est vrai. On la remercie encore une fois. Elle a disparu il y a 2 ans maintenant. En visitant un musée, un jeune garçon fait tomber des bagues anciennes d'un plateau. Une fois rentré c'est chez faux, lui... C'est faux, c'est faux, là. Il fait tomber des bagues anciennes d'un plateau. Le bébé cadom, quoi. Une fois tombé par terre, des bagues. Elles étaient sur un plateau. C'est faux. Ensuite. Une fois rentré chez lui, oui, il se rend compte que l'une d'elles est coincée dans un pli de son pantalon. Oh, bah, voilà autre chose. Quand il lit les inscriptions gravées dessus... Je me casse. Déjà que je me suis cassé une première fois, si c'est vrai, je me casse. Un nœud dans son pantalon. Reste tu un me peu. Racontes. Trop détaillé. Reste un peu, Jérôme. Trop de détails et mal écrit. Trop de détails de bébé cadom. Coincé dans un pli de son pantalon. C'est ça. Quand il lit les inscriptions gravées dessus, il est transformé en chien. Est-ce qu'il s'agit de Ricky, chien malgré lui? Quelle vie de chien? Quelle vie on the rocks, d'ailleurs. Un adolescent obtient la faculté de se lécher la teub, ça tourne mal. Ou alors, ça n'existe pas. 40 avocats. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça, non. Aucunement. Quelle vie de chien? Tu dis quelle vie de chien? Ah, je fais un all-in. Quelle vie on the rocks? Bah oui, c'est celle que je viens de faire. C'est vrai? Incroyable. J'ai vraiment pas entendu. Pas comment je fais. Quelle vie, Presley? Oh, ah oui, si, oui. Donc, et Axel? Je suis team. Je veux juste voir Jérôme péter un câble si ça existe. Donc, oui, mais donne-nous la réponse. Pour moi, ça n'existe pas. Ça n'existe les pas. Les plis de pantalon dans un pitch, c'est pas possible normalement, mais j'ai l'impression que tu vas dire que si. Eh bien, il s'agit de quelle vie de chien? Oh là là là là, je vais vérifier. Il est en train de tricher pour m'humilier. Non, non, je te jure que ce film existe. Le pli de pantalon. Quelle vie de chien. Tellement détaillé. C'est vrai. Ça a été écrit d'une main de maître. Je pense que le producteur, ils ont fait savoir que comment il part avec les bagues. Bah, c'est dans son pli de pantalon. Il faut savoir. Pardon. Oui, d'accord. Il faut savoir que je n'ai pas copié-collé les pitchs qui sont parfois de toute façon mal écrits, mais je les ai reformulés. Quelle vie de chien. C'est un vieux film. C'est chiasse là. C'est ça. Shaggy Dog. Shaggy Dog. C'est ce qui a inspiré le chanteur Shaggy. Il est au téléphone. Lui-même, il avait des bagues dans son pli de pantalon. Il fait putain, il a dit qui s'est transformé en chien. Il a dit It was a me. It was a me, bien sûr. Puisque me, je suis Mr. Bombastic. Donc rien à voir au final. Rien à voir. Bravo, alors, bravo Adrien. Non, mais écoute. J'ai pas d'autre chose à dire, sinon on aurait fait. Ton énervement est la meilleure partie de ce jeu. Ça, avec les. Ah, jeune homme qui rêve de célébrité tant péniblement. Attends, pardon. Un jeune homme. 50 avocats. Un jeune homme qui rêve de célébrité tant péniblement de devenir influenceur. Quand il découvre que son chien est un génie de la création de mèmes, il décide de s'approprier ses créations et connaît enfin le succès. Est-ce que ce film c'est s'appelle... C'est ça. Oui. Petit indice. Est-ce que ce film s'appelle « Tu m'aimes, mon chien ?» Point d'interrogation. Est-ce que ce film s'appelle « Lilo, star du net ?» Est-ce que ce film s'appelle « En fait, c'est... » Pas un en fait, c'est un chien normal, c'est juste que faire des mèmes, c'est pas si dur. Alors, est-ce que ça n'existe pas? Moi, j'adore que tu utilises Floodcast pour pitcher tes prochains. Voilà, écoute, tes envies, tes idées. Non, mais en fait, on disait tout à l'heure, est-ce qu'il y a des films qui nous ont donné envie, moi, de faire ce quiz? Je me suis dit, je peux être le boss des films de chiens français parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas trop. Et je peux. Il y a eu Didier. Non, il y a eu Hercule et Sherlock, pardon. C'est vrai, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas, il y en a plus. Et je pourrais créer le film Air Bud, la franchise Air Bud française, et devenir, que ce soit ça ma carrière. Multimilliardaire. Je serais heureux, je pense. Faire des films de chiens. C'est ça qui te manque, bien sûr. Je ouais, voilà. Bon. Écoute, je pense que ça n'existe pas. Après, je prends peut-être. Attends, pourquoi? Non, bah là, il n'y a pas de surprise. Attention. Non. Jérôme peut peut-être nous surprendre en disant que là, ça existe. C'est vrai. C'est le numéro 2 pour moi. Ça n'existe pas, bien sûr, bien là, sûr. Malheureusement. Ne me dis pas que c'est le dernier. Ah non, il en reste. Ça vous plaît ou pas? Oui, oui, évidemment. Ça vous plaît ou pas? Parce qu'il en reste pas mal. Un brillant chirurgien absorbé par son travail se réveille dans la peau d'un chien. Quand sa fille va tomber malade, il va tout faire pour l'opérer malgré sa nouvelle condition. Est-ce que c'est un docteur qui a du chien ? Est-ce que c'est un chien à l'hôpital ? Ou alors est-ce que c'est un cœur immense mais des pattes immondes, la mort assurée ? Ou est-ce que ça n'existe pas ? J'attendais un What's up dog ? Docteur, oh, non, mais docteur. Ouais, docteur. Ouais. Oui, mais docteur, oui. C'est vrai. Non, mais attends, ça existe, docteur ? Je l'ai lu quelque part, ça. Docteur. Je l'ai lu. Non, je sais plus. En tout cas. Oui, 70 avocats. Je viens de penser à un nom de magasin qui réparerait des quads, ouais, et qui s'appellerait Quad Neuf Docteur. D'ailleurs, pardon, je n'étais pas là tout à l'heure. Les chevaliers du fiel n'ont pas trop de fiel dans leur humour. Donc non, c'est... rien, vraiment peu. Mais non, ouais. Ils se moquent des plombiers. Ouais, donc c'est pas assez. Jérémy Ferrari aurait pu s'appeler le chevalier du fiel et on aurait dit oui, d'accord. Ah, oui, voilà. Oui, d'accord. Parce que t'es pas une voiture, mec. Si on voulait un peu le titiller, bien sûr. Parce que... Alors qu'eux, ils ont chanté c'est Thomas Inca 1000. Oh là là, mais tu te recoupes ou quoi ? Pas tant. On s'est tiré par les cheveux. Non, 60. C'est quand même pas mal. On est entre 60 et 70 avocats. Donc on est sur une. Ouais. Et ce film, bordel, s'appelle Un docteur qui a du chien ou Un chien à l'hôpital ou alors. Un cœur immense mais des pattes immondes. Non, mais ça, moi, j'y crois pas. Le chien qui... Non. Ça n'existe le pas. Le premier docteur. Qui... D'un point de vue purement. Un docteur qui a du chien. Moi, je dirais un chien à l'hôpital. Un chien à l'hôpital. Non, moi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. J'ai inventé ce film. J'aurais aimé le voir en fait. Mais attends, je peux les faire maintenant. Attends, c'est limité. C'est un peu. Voilà, je teste un peu. Alors qu'il promène son chien. Un policier se fait assommer par un malfrat et devient amnésique. Aïe. Mais bientôt, il va voir des flashs de la mémoire de son chien qu'il va utiliser pour mener l'enquête. Est-ce que c'est détective sur patte, tel maître, tel flic, 5% indice, 95% anus de chien. Alors, pardon. Bah, les souvenirs d'un chien, c'est 95% oui, le cul de chien. C'est vrai. Ou alors ça n'existe pas. Quoi ? Détective sur patte, tel maître, tel flic, ou alors ça n'existe pas. Le 2. Moi, c'est le 2, ouais. Ah, moi, j'ai détective lequel sur patte, j'aime bien, moi. Tel maître, tel flic. Ouais, parce que c'est pas le chien qui enquête, c'est le flic. Ouais. Donc il est pas. Il y a les flashs du chien. Ah, bah ça, c'est une copro. Non, moi, je comprends pas une seule seconde. Toi, non, tu crois pas. Si, ça existe, mais c'est un des deux, ouais, ça existe. Oui, mais ça, du coup, le détective sur patte. Détective sur patte. Il est intransigeant. Tel maître, tel chien. Non, mais tel maître, tel chien. Sans avocat. Tel maître, tel chien. Sans avocat. Je l'ai inventé. Oh là là. Ah, salaud. Mais le corps est incorrigible. 6 ans, ce podcast. C'est vrai. Bah oui, bah voilà. Bah voilà. Mais 6 piges, là. Bah plus même. 6 ans. Tu m'étonnes. Faut arrêter. Non, mais là, on tire sur la corde. Il en reste plus beaucoup. Je vous cache pas qu'il en reste plus beaucoup. Ok. 1000 avocats. C'est entre 1 et 1000. Kevin est un cancre pas très populaire. Le jour où il rencontre Bufford, un chien génie des mathématiques, il voit là l'occasion d'améliorer ses notes et de séduire Nathalie, la première de la classe. Excusez-moi, c'est Will Hunting. Qu'il aime en secret. Est-ce que c'est Bufford élève modèle, des pattes et des maths, le théorème de Thalès, ou alors ça n'existe pas. Le 2, moi. Ah non, le 1, pardon. Pas Bufford d'élève modèle. Ouais, j'ai envie d'y croire. Moi ouais, aussi, ouais. Allez. Bufford d'élève modèle, Bufford d'élève. Tout le monde dit Bufford d'élève modèle, ça n'existe pas. Mais... Ah, merde. Ça n'existe pas. Ah bah Clara, ça va. Non, ouais, elle a disparu, non. Ça va ? Elle t'offre une housse de couette. Mais non, c'est la housse de couette sur laquelle le pigeon a chié tout à l'heure. Ah, parce qu'il a paniqué. Il y a un pigeon qui est rentré dans l'appart. Fantastique. Un happening pas ouf de Clara d'ailleurs pour mes 30 ans. Enfin, j'ai trouvé que c'était. Ouais, non, son prison se vante au final. Mais c'était pour que le floodcast paraisse génial. Il est génial. Alors que j'ai déjà passé une journée géniale. Combien d'avocats ? Peut-être 2-3 000. À mon avis. Non, c'est énorme. Je vais te dire le vrai chiffre parce que je l'ai. Ah ouais ? Ils n'ont pas d'avocats. Oh ! Je pense qu'ils en ont au moins un. 2, 3, 4, 5. C'est la dernière question, malheureusement. Oh là là là là là. Une petite chienne blanche débarque dans la vie d'un acteur désabusé, à la carrière poussive, et illumine sa vie par petites touches d'amour et de tendresse. C'est des artistes pour moi. Est-ce que c'est Un jour vint Lily, Le bonheur selon Cory, Amour et croquettes, ou alors ça n'existe pas. Bah, le bonheur selon Cory. Ouais, si, c'est un joli petit film, ça. Le premier, moi, je dis. Ouais, moi aussi. Le bonheur selon Cory, moi, je suis d'accord. Mais ça existe, c'est le premier. Alors, toi, tu dis ? L'autre. Un jour vint Lily ? Ouais, c'est nul, mais... Un jour vint Lily ? J'y crois pas une seconde. Le bonheur selon Cory, amour et croquettes. Oh, le... Le bonheur selon Cory. Le bonheur selon Cory. Par contre, aucun titre ne fait référence à des mêmes. Un peu déçu sur celui-là. C'est vrai, j'ai merdé. Non, le bonheur selon Cory, super, moi, j'adore. Eh bien, ça n'existe pas. C'est quoi tout simplement ma vie. Une petite chienne blanche débarque dans la vie d'un acteur désabusé à la carrière poussive et illumine sa vie. Par petite touche d'amour et de tendresse. Il s'agit littéralement de mon expérience personnelle. Tu vois, regarde, on a l'impression que c'est un film. Bah voilà. Ta vie, c'est un film, mon pote. Ouais. Bah c'est, triste, en fait, c'est le début du film. C'est pas très drôle. Non, c'est vrai, faut voir pourquoi on en va là, mais ouais. Bah après, elle peut lire dans tes pensées, ça devient un film. Oui, ouais, voilà. Ça, y a oui, je joue au basket. Il y a beaucoup de. Y a beaucoup ça, de, son de pitch. Ça écoute, peut rentrer dans la franchise Air Bud. Ouais, ça rentre. Ça rentre. Un peu au forceps, mais ça rentre. Alors, je peux te dire les scènes coupées de, que j'ai pas eu le temps de préparer. En fait, en gros, je voulais te faire une chanson comme tu m'avais fait pour mon anniversaire. Bah oui. Après, moi j'avais. Attendez, pour, parce que moi j'avais le confinement. C'était quand même beaucoup plus facile de préparer voilà. tes 40 moi, ans. Moi j'avais un tournage et un déménagement. C'est ça. C'est... Et je crois que tu, la période que tu traverses. Et pas ouf. Pas ouf. Voilà, donc c'est ça. Voilà. Donc je voulais faire ça. Moi j'étais au top, donc j'avais largement le temps de m'occuper de. Je voulais aussi. J'en ai parlé à Axel. J'ai tout juste commencé à le faire, mais j'ai pas eu le temps. Je voulais écrire, et peut-être que je l'écrirai et on le fera, je voulais écrire un morceau d'épisode de Groom basé sur une idée à toi qui n'a pas été gardée, ah ouais qui était « Thomas devient intelligent quand il a une moustache ». J'ai deux saisons, j'ai essayé de remettre cette idée. C'était ton idée, voilà. Ah, très drôle. Fongé, sache que s'il y avait une saison 3, elle n'aurait pas été prise. Ouais, combien d'avocats en revanche 30 avocats. Ah, okay. Et voilà, donc j'ai commencé à l'écrire là tout incroyable. À l'heure. Incroyable. J'ai pas eu le temps, mais on le fera. Est-ce qu'il y a, est-ce que t'as allé Virginie, on le fera. Ouais. Est-ce qu'il y a une blague dans les premières lignes que t'as écrites ou pas Les premières lignes, oui. Non mais il te met en carrière. J'ai envie de les lire. J'ai envie. Est-ce que vous voulez que je vous le voilà, bah c'est ça. Oui, grand l'inverse. Je lui mettais un chausse-pied. Ça lui manque d'être DA, celui-là. Regardez-le là. Il a envie. J'ai plus de taf. C'est le tout début et c'est la V1. Alors. Par contre, c'est mon idée, mais c'est ton style quand même. Bah du coup, oui. Oui, non coup, mais c'est mieux, voilà. Parce que bah, non, sinon ça pouvait être très insultant. C'est alors, il y a du sperme. Bon, c'est bon, non. Merci, on a compris. Non. Alors, et puis, alors, il parle plus à son père. Oui, bah t'aimes pas mon idée. Donc, intérieur, hall, jour. Martin et William discutent en marchant. Alors juste, ouais, une petite pause là, du coup, tu dis. Hein? Là, ça se tient pas trop, mais... Pour l'instant. Mais continuons. Je dirais tout touche infidèle. À chaque j'arrête, ça dépend, c'est bon. Vous pouvez le faire. On était quand même à l'origine, donc le matériau d'origine je connais. Donc je me permets de t'arrêter de temps en temps. Non, je te laisse continuer. Alors, Martin, vous avez bonne mine aujourd'hui, William, ça fait plaisir. William, oula, par contre, il y a quelque chose qui va pas. Mais pas du tout, enfin, je viens de vous faire un compliment. Ben justement, c'est pas arrivé depuis. Depuis quand? Mais justement, c'est incroyable, je crois que c'est jamais arrivé. Non, vous exagérez. Un peu, mais admettez que vous êtes rarement dithyrambique. Thomas en off, mais t'es pas non plus Dionysos. William et Martin s'arrêtent et bloquent sur Thomas, qui porte une moustache. Les deux sont très troublés. William, quoi? Thomas, dithyrambique, ça vient de dithyrambe, un cantique consacré à Dionysos dans la Grèce antique, sous la conduite d'un coryphée. Silence. Martin, qu'est-ce qui se passe? William, comment tu sais ça? Thomas, je viens de finir de lire un site là, ça en parlait. Quel site? Wikipédia. Et comme par hasard, la page que t'as lue parlait de ça? Non, j'ai pas lu une page, j'ai lu le site. Ah, c'est bien. Voilà, c'est une V1. C'est une super idée, Axel. C'est une super idée pour si, con. Si des gens de chez YouTube nous écoutent, vous voyez, il est toujours temps de nous rappeler. Ma ligne est toujours ouverte. Moi, j'y étais, hein, j'étais dans le hall et tout. C'était bien. Putain, bah bravo, c'est super, hein, bravo, bravo. Ouais. Je vais finir de l'écrire parce que. Oh, t'es un amour. Hein. J'avais noté. Non, mais quand même, attends, il faut quand même. Faut que tu gagnes ta vie là. N'importe quoi, je vais finir de l'écrire. Mais je serais curieux de rechoper tout. Non, je n'ai rien. Non, mais on avait une longue liste. Je veux pas écrire l'épisode, je voulais écrire un morceau d'épisode. Je l'ai envoyé en photo à Adrien, le mur des. J'avais un rôle pour Axel. J'hésite à le dire. Est-ce que je le dis ou est-ce que je garde la surprise? C'est un jour on le lit. Dis-le. Est-ce que dans deux jours, t'auras pas oublié cette histoire? Axel, pas du tout parce que j'ai noté mes idées. Ah. Axel, tu reprenais ton rôle du fantôme de merde. Ah, bien sûr. Je vois que monsieur est un gros porc. Voilà. Et figure-toi ma réplique préférée de voilà. Fantôme de merde. Vraiment, toutes tes répliques étaient une variante de je vois que monsieur est un gros porc. J'ai un large panel, je peux le faire. Qui se terminait par quelqu'un qui disait nique sa mère sur la canebière et tu disais nique tes morts sur le vieux port. Voilà. Putain, toujours cet amour des mêmes. Propale numéro 2. Je vois que monsieur est un gros porc. Ah, la une était mieux. Non, ouais, mais... il faut la refaire comme dans je te driverai. Tu me dis, Putain, bah trop bien. Donc voilà, donc j'ai pas eu le temps de le finir, malheureusement. voilà. Pourquoi d'ailleurs, t'as pas eu le temps? Déménagement, tournage, ouais. Une période pas ouf que je traverse. Okay. Heureusement que ce chien est arrivé. Voilà. Mais tu m'enverras la liste de toutes les idées de Carrément. Monde. Je me souviens qu'il y en avait des plutôt farfelues. Je lui ai demandé, et comme tout était en vrac, impossible de se souvenir lesquelles étaient de toi. Donc je suis parti sur celles dont Mais je peux t'en lire ce que... Non, mais je me souviens qu'il y en avait une. Je crois qu'elle était pas de moi, hein. Je crois que, enfin, je veux dire, parce que j'ai dit qu'elle est super, mais je, voilà. Ouais. Où je crois qu'il y avait genre Mark Zuckerberg ou un truc comme c'est ça. C'est ça. C'est ça, je me demandais. Mark Zuckerberg qui se plaignait qu'il y avait pas de wifi parce qu'il voulait regarder du porno. Ouais, et c'est en vrai, soit toi, soit Robinson. Ouais. Zuckerberg, Robinson et le porno WAM, je pense. Le porno Robinson aussi, hein. C'est vrai, à l'époque, il adorait le porno d'ailleurs. Non, mais beaucoup parce que maintenant, il est papa, mais à l'époque, c'est vrai que c'était un fou de porno. On peut le dire, il se branlait en réunion. Enfin bon, bref. Sur ses airs de joli Baudelaire, il avait les 10 idées les plus cul, trou de balle. Ouais, une des idées étant Martin Baize. Ce qui était pas vraiment une idée, c'était juste un truc qui a fait. C'était une vraie idée. Non, pas du tout, je fais une blague. Daniel Prévost est un serial killer. Ça, c'était ça, c'était Adrien. On peut continuer et faire un peu voir quelques idées. Léo, on fera comme si t'étais là à l'époque. Ouais, c'est vrai. J'ai aucune rêve, c'est fou. Les humoristes sont des rockstars et pètent tout dans leur chambre. Ça, c'était toi, je pense. Non, ça, c'est Robinson. C'est sûr que c'est Robinson. Ça. Peut-être Robinson. Alors, toi, c'était genre un groupe de. Oui! Non, c'était les prêtres, moi. De prêtres. C'est ça. En gros, c'était parce qu'à l'époque, comme quoi mes idées vieillissent à une vitesse. C'était, je sais pas si vous vous souvenez, c'était les trois. Bah, c'est ce qui a aussi inspiré Coexister, d'ailleurs. Oui, puis la parodie de Cap McFly et Carlito. Exactement. C'était les prêtres qui faisaient des chansons à l'époque. Ils étaient trois. Ah oui. Et je disais, en gros, ils viennent à l'hôtel. Et donc, je sais plus qui était content dans la team. Je crois que c'était la femme de ménage. Oui. Et donc, du coup, ils rentraient. Et en fait, ils pétaient tout. Enfin, c'était vraiment des rockstars, quoi. Donc, ils chiaient dans le hall. Ils disaient, mais qui a fait ça? Et t'as trop fait, oui, bah, on fait des concerts quand on vient. Il y a des groupies, des ouf. On relâche la pression. On relâche un peu la pression. Ouais, c'est une bonne idée aussi. Non, c'est bien. Après, j'adore ce que je fais, moi, perso. Oui, oui, non, non, je me satisfais très vite. Une très bonne idée. Non, je me satisfais très vite. Il y avait le classique 7 hommes en colère d'Adrien. Bien sûr, oui, c'est vrai. Bien sûr. Enfin, classique pour ceux qui étaient, pour les auditeurs. Oui, voilà. Pour expliquer. Classique pour les 4 personnes qui étaient dans la pièce à l'époque. Pour expliquer, je voulais faire un épisode qui était. En gros, c'était, je crois, l'idée, c'était que Thomas allait se faire virer. Ok. Et ensuite, c'était une parodie, enfin, un hommage, une parodie de 12 hommes en colère, où William 12 essayait. Avocats. Et en fait, il s'était passé quelque chose, et tout le monde, c'était sûr et certain que c'était Thomas qui avait fait ça, parce que ça lui correspondait totalement. Et il y avait que William, qui disait, putain, mais je suis sûr que c'est pas lui. Et du coup, c'était un huis clos. Et il essayait de il convainquait tout le monde que Thomas était innocent. Comme et il y arrivait. Et moi, l'effet que je voulais faire, c'était que quand il rentrait dans la pièce, il disait tu peux allumer l'autre lumière. Il se trompait d'interrupteur, ça mettait la pièce dans le noir. Il rallumait et c'était en noir et blanc et c'était. Ah. Tu n'avais pas donné ce détail, on l'aurait peut-être pris. Parce que c'est de la réelle, je voulais pas patiner. J'avais ce petit truc, mais sublime. Bah, je regrette après. Bah, Moi, si je vais pisser là, c'est pas gênant. Ouais. C'est quoi ça, C'est vrai qu'on finit pas sur le truc le plus fédérateur, mais en même temps, Jérôme a aussi raté les trois quarts du podcast. C'est vrai. Bah, écoute, c'était trop bien sur le podcast. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Merci d'avoir tout préparé. Merci. C'était super. J'ai adoré. Je suis ravi. Non, c'était trop bien. C'était trop bien, j'ai adoré. Nous, on va se bourrer la gueule maintenant. Eh ouais, alcool. Let's go. Allez, wow. Ouais, on est positif à la connerie ici. Pas de masque là-dessus. Pour boire des bières. Bah écoutez. 30 avocats. En tout cas, si jamais ce floodcast sort. Bien sûr. Tu es d'accord. Petit. Ouais, un peu de montage, mais je m'en occuperai. On s'en occupera. Ok. Ouais, un petit peu de montage, mais on s'en occupera. Voilà. Trois fois rien. Les auditeurs, j'espère que. Et auditrices, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez bien souhaité l'anniversaire de Florent. Bah, maintenant, quelques jours auparavant. C'est pas trop tard. En vrai, faites-le aujourd'hui. C'est quand même. C'est pas trop tard si au moment où ils vont. Non, quand même... mais moi je prends. Tu prends, ok. Ouais, je prends tout. Moi. Toi, t'adores les réseaux, t'adores la fame. Ouais, c'est vrai, je vis que pour ça d'ailleurs. Je comprends. Et bah voilà, en tout cas, j'espère que ça a plu à tout le monde. J'espère que tu t'es amusé. Je me suis beaucoup amusé. Très bonne soirée. J'ai rien vu venir. Bah c'est, bah alors raconte-nous ta journée un peu, ta journée d'anniversaire. Non, ça a déjà raconte-nous. Été fait. Ouais, je sais. En début d'émission, évidemment. Partir, merci tout le monde. Merci, bravo. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.